Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Intérieur Nuit Fit le Crible. Comment ça va? Bah vous pouvez pas me répondre parce que vous êtes dans un podcast, et évidemment ce n'est pas une conversation téléphonique. Et en vrai je m'adressais aux trois personnes qui sont en face de moi mais qui n'ont pas compris le message. C'est pas ça, c'est que j'ai eu un relan qui m'a empêché simplement tu sais, de te ce répondre. Sera évidemment pas coupé bien sûr. Aujourd'hui, je m'appelle Angéline. Merci Lauriane. Aujourd'hui, on va vous voulez mon identité. On va évidemment parler des rôles dans les films et leur rôle. Non, bien sûr. Comme vous avez, je sais pas si vous avez pu le deviner dans le titre parce que le titre c'est le nom du film finalement, mais on va parler des films de super-héros, des super-héros tout court, mais surtout des films hein, parce que c'est quand même un peu notre métier. Et donc pour ça, j'ai trois personnes autour de la table avec moi. On va commencer par la personne. Enfin, avec ce qu'on a, quoi. Bah écoute, depuis qu'il n'y a plus Théophile, voilà, c'est un peu la débandade. Lise ? Bah du coup, j'ai encore spoilé. Ouais, du coup, bah moi je suis Lise. Voilà. Merci. Putain, c'est efficace. Quelle belle présentation. Bah, vous avez... En fait, c'est un peu. Hey, on parle de super-héros, c'est un peu un Intérieur Nuit All-Stars, parce qu'il y a une personne de chaque épisode qui est déjà sortie. C'est le crossover, quoi. Exactement. Avec les membres du crible, après, okay, ça tombe un peu sous le sens, quoi. Mais oui, du coup, Lise, bah, du coup, tu t'appelles Lise. Quel est ton âge, ta profession cinéastrologique? Merci. Alors, mon âge, je ne sais plus, en vrai, 22 ans. Ma profession étudiante. C'était un peu trop premier degré, tu vois. Non, mais il faut dire qu'hier, on a fait une soirée, on s'est couché à 5 heures, faut pas chercher. Hein. Fast time. Bah, Lauriane, puisque tu fais la maline, présente-toi. Bonsoir, je m'appelle Lauriane. Oh, j'ai dit ça, je pourrais le biper si tu veux. Merci. Ouais, je suis conne. Bonsoir, je m'appelle Lauriane. actuellement star à mes heures perdues, fondatrice du Crible. CEO of the Crible. CEO of the Crible. Grand Schtroumpf du Crible. Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf, c'est vrai. On m'appelle Grand Schtroumpf dans le milieu. Parce milieu, que je suis dire très conversation petite. Messenger. Exactement. Voilà, le milieu du Crible, je t'emmerde. Et non, mais voilà. Et mon signe astrologique, c'est Balance. Eh bien, balance ton quoi. je sais pas, j'avais pas de blague ou tout ça. Waouh. I had to. Angéline. Et bah moi c'est NJ pour les intimes, donc Lauriane à côté de moi, ma femme peut m'appeler comme ça, c'est la seule. Je suis Sagittaire et très très fière de mon signe, c'est d'ailleurs le meilleur signe. Franco-portugaise, j'ai 21 ans. Ça a pris une tournure que je n'avais pas anticipé ce podcast dans le cinéma. Voilà. Le prochain thème sera sur les signes astrologiques. ce n'est pas un genre cinématographique, donc non. Le prochain thème sera astral, bien sûr. Et moi, bah, c'est Antonin, voilà. De toute façon, au bout d'un moment, vous me connaissez, non? Je sais pas. De toute façon, vous êtes quatre à écouter, donc ça va. La dernière fois. C'est pas complètement faux. Alors, aujourd'hui, on va parler de super-héros. Et donc, on va commencer par la question simple. Quand je dis super-héros, vous pensez à quoi? Alors, attention, hein. Je vais faire que des questions de merde comme ça. Okay. Mais je pense qu'on va poser la question à Angie parce que, pour le coup, c'est vraiment l'expert du sujet. Oui, merci. Bah, du coup, pour rebondir ce que tu viens de dire, effectivement, je fais mon sujet de mémoire sur la figure de la super-héroïne dans l'univers Marvel. Donc, petit disclaimer, ici, on est vraiment sur un DC 8 account, comme je disais. Non, tu es un DC 8 account. Je suis un DC 8 account, donc je vais parler en bien de Marvel et en très très mal de DC, même de Batman. Donc moi, quand je pense à super-héros, je pense à super-héroïne, parce que c'est mon travail. Donc je pense beaucoup à Captain Marvel, qui est un peu une figure centrale dans mon travail. Un petit peu sur le renouveau aussi de cette figure du super-héros, avec un peu le héros du quotidien, etc. Et un peu cette nouvelle vague des super-héros qui, je rappelle, est née un peu dans un contexte post-Première Guerre mondiale. Donc des figures un peu de rassurantes. Bah, même carrément dedans. Ouais, voilà. En tout cas, chez DC. Chez Marvel, c'est un peu différent. Mais... Chez Marvel, c'était un petit peu avant. Mais justement, en fait, avec le contexte mondial, économique, social qui change, en fait, la figure du super-héros et de la super-héroïne se réinvente. Et on est un peu dans ce moment charnière qui est très intéressant. Voilà. Mais ça ne nous dit pas ce qu'est un film de super-héros. Bah, c'est assez facile, hein. C'est un film avec des super-héros. D'aventure. Non, mais c'est... Moi, c'était ma question, c'est plus que ce à quoi ça vous fait penser. Genre, si vous avez des exemples de films qui viennent en tête, qui vous ont marqué en bien ou en mal. Mais pour le coup, non, mais c'est vrai, c'est que je pense qu'on a tous grandi avec la figure, dès le départ, à mon avis, Spider-Man et Batman. Et Superman pour le coup, qui était, je pense, vraiment le big three de quand on était gamin, et après tu t'y intéresses ou pas et tu commences à regarder. Oui. mais pour le coup, c'est vrai que j'avais juste vu les Spider-Man, je crois, quand j'étais petite, donc c'est vraiment genre mon super-héros de référence. Mais et puis surtout que tu as quand même eu trois bah, pas trilogie du coup, pas pour tous. Ouais. Bientôt on pourra dire trois trilogies. Bah Andrew Garfield va avoir son troisième, mais ouais. En tout cas ouais, on a quand même eu genre trois sagas de Spider-Man du coup en 15 ans. Ouais, mais ce qui est un film d'animation. Et un film d'animation oui, qui est excellent d'ailleurs. Bien sûr, mais là je parlais. Enfin, c'est pas Peter Parker dans les films d'animation. C'est Miles Morales. Mais ça reste le Spider-Verse. Bien sûr, ça reste le Spider-Verse, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas. Enfin, moi quand je parle de Spider-Man, là vraiment je pensais à Peter Parker. Mais du coup, c'est le costume qu'on avait quand on allait aux soirées déguisées, enfin au goûter d'anniversaire déguisé plutôt. Parce que j'allais pas en gros stuff quand j'avais 4 ans, mais enfin voilà, moi c'était un de mes premiers déguisements, Spider-Man, avec les sabres laser Star Wars quoi. Ouais. Star Wars super-héros ou non, la Force Non, trop pas. Non. C'est un X-Men en fait. Ouais. Valise Valise. Tu mettras un petit tatou. Attends, on est dimanche. Je tiens à rappeler, on est dimanche. C'est du montage. C'est du montage. Je ne le ferai pas. Donc. Aïe. Bah, un peu comme a dit Lauriane. Moi, j'ai grandi avec Spider-Man d'abord. Il est sympa ou pas? Trop sympa. Genre grosse figure paternelle. Okay. T'imagines pas. Ouais, il est un peu jeune quand même. Ouais. Tobey Maguire. Ouais, mais quand toi, t'es encore plus jeune. C'est... Ouais, c'est vrai. Ça passe crème. Bref. Ouais, du coup, j'ai grandi avec Tobey Maguire. J'étais heureuse de trouver Andrew Garfield et malheureuse quand le troisième film a été annulé. Et puis, de nouveau heureuse quand Tom Holland est arrivé. Et après, grandi avec Spider-Man. Et après, je me suis intéressée à tout ce qui est Avengers, etc. Marvel. DC, comme toi, on dit. Merci, monsieur. J'ai du mal. Ouais, non. J'accroche pas. Bah, je comprends. Mais. Parce que aussi, il y a eu des très mauvaises adaptations. Enfin, je pense que. Marvel. Non, pour DC. Pour Marvel, pour le coup, en ayant fait un marathon récemment, genre il y a 2 ans, je crois. Pour Endgame. C'était même pas pour ça, c'était juste. Parce que moi, pour le coup, j'ai grandi avec quelques films de super-héros, mais c'est vrai que je suis pas la team qui a vraiment grandi avec ça. Mais du coup, j'en avais vu quelques-uns, mais sans vraiment être en mode à l'intérieur du MCU, en mode. Enfin, putain, j'attends avec impatience. Je crois que Endgame, je l'ai même pas vu au cinéma, si vous dire. C'est pas grave, t'as rien raté. Quoi? Non, vraiment. Non, mais alors, qu'on revienne. Ce que je veux dire, c'est que j'en avais vu de trigger warning, il va y avoir des débats et de la baston là. Après, on se construit tous comme on veut et comme on peut, tu vois. Donc, objectivement, tu penses que les films de super-héros sont comment? Ah, moi, j'adore ça. Et pour le coup, quand j'en avais vu et je trouvais ça surdivertissant et j'adorais ça. Mais c'est vrai que je suis pas directement allée dans la brèche de. Genre de toute la fanbase du MCU, ouais. Etc. Mais c'est vrai que je voyais ça un peu de loin, mais comme j'étais une grosse fan de saga, j'étais vraiment pas contre le concept et j'étais pas, tu sais, genre, ah vas-y, t'aimes pas le cinéma si t'aimes que les Marvel, genre pas du tout. Mm-hmm. Et j'avais vu, tu sais, les Iron Man, j'en avais vu de temps en temps, et en fait, j'ai découvert les Thor et j'étais en mode, ça pue la merde. et du coup, oui. Non, mais c'est vrai, les deux premiers. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis, genre, j'adore le MCU et depuis que j'ai vraiment découvert dans sa globalité et j'ai tout vu, et maintenant, genre, vraiment, je surconsomme et je suis hypée à chaque nouvelle annonce. Mais c'est vrai que quand j'avais commencé du coup mon marathon, c'est vrai que c'est quand même parfois un peu suranné et bordel de merde, Thor 1 et 2, moi genre j'étais à deux doigts d'arrêter mon marathon quand je les ai vus, j'étais en mode mais c'est pas possible de faire des films aussi niais, aussi premier degré, tu vois, alors que pour le coup on m'avait survendu le personnage de Thor et même encore à l'heure actuelle le Thor 3 c'est un chef d'œuvre, mais genre juste je déteste ce personnage et du coup mais en tout cas c'est vrai que le MCU je l'ai découvert finalement assez tard, donc je pense que je vais avoir un avis du coup qui est un plus peu frais. Non mais moins c'est genre basé sur la nostalgie, ouais. Tu vois. Ah mais moi j'ai pas grandi avec hein. Bah, clairement en plus le premier personnage du MCU ça reste Iron Man et c'est pas ouais. Le plus et qui vendeur. Était pas du tout le mec le plus maintenant Iron Man c'est le plus oui. Je pense que c'est le plus hype et j'avoue je ouais. comprends avec pas Batman. Trop c'est Captain America en fait qui a nostalgie tout simplement qui a démocratisé ouais. Un peu la franchise où vraiment avant c'était très un peu des fans de comics qui allaient voir les films du coup Marvel et en fait grâce à Captain America et aussi notamment le premier Avengers qui est sorti en 2012 oui. C'est là où vraiment événement. On a voilà événement il y a eu un crossover pour la première fois et c'est là que vraiment je pense qu'il y a eu vraiment ce sentiment d'appartenance à un peu une communauté de fans ouais. Autour de tout un univers. Donc ça existait déjà avant sur les comics, mais ça a été moins entre 2008 et 2012. entre le moment où justement on a eu Incroyable Hulk, on a eu les deux premiers Iron Man. Incroyable Hulk. Réalisé voilà. par un Français. Voilà. Oui. Le terrier avec lequel j'ai. Et j'avais vu le Hulk de Ang Lee. C'est Ang Lee qui en avait réalisé, ouais, je crois. Hulk, juste Hulk. Ouais, ouais. Hulk. Bah, je l'avais en DVD et je l'avais vu celui-ci. Pour l'anecdote, je crois qu'il avait été réalisé en combien d'images par seconde ? Genre plus que 24. Oui, 50, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, ça, c'est vrai que ça fait un effet un peu chelou. Bah, ça fait vidéo, en fait. Ouais. Le film on dit, a un aspect de téléfilm. Ouais, c'est un peu étrange. Tout en ayant des audaces que j'adore en termes de mise en scène, comme si c'était des pages de comics, mais qui, je trouve, sont plus des trucs de clips que de films. Avis mitigé sur Hulk. Mais ouais. Hulk n'est pas forcément le personnage le plus intéressant. Hein, autant dans les comics. Non. Mais ça, c'est dommage parce c'est que. Parce pour que le c'est coup, pas le plus développé aussi. Mais et moi, je il comprends. Il est pas développé. Il est pas développé. Avengers, il est là, il grogne et puis c'est mais tout. C'est trop... Ouais, mais et en même temps, malheureusement. Pour le coup, parfois, genre, il a des propos, genre, hyper dépressif et genre il fait des refs justement en fait tu dis putain le mec a fait des TS tu vois et genre et pourtant il est sous-développé et je ne comprends pas genre à un moment ils ont essayé de lui donner une sorte de d'arc narratif claqué et pour moi blasphématoire avec Natasha ouais ah oui j'ai pas compris en fait ils ont mis juste pas. Les deux personnages les moins développés ouais. Ils se sont dit les bon bah pour solo, les développer ouais. On va les faire se faire tomber amoureux ouais. Surtout que ça n'a rien donné c'est une telle paresse il y a même pas de genre oh on a essayé puis au final ça marche pas ah non mais vraiment c'est genre vraiment la romance genre vraiment ex nihilo et en fait qui finalement aboutit à que dalle et ils ont quitté le navire genre littéralement ils ont amorcé l'idée ils ont fait ah en fait non mais ils ont amorcé l'idée et puis ils sont rendus enfin ils ont vu tous les retours hyper négatifs sur ce truc là en mode mais de toute manière enfin après dans les comics Natasha s'est tapé plein de monde aussi je crois mais pas Hulk il me semble non mais de toute façon l'ère d'Ultron voilà quoi. Eh ben, ouais, mais c'est très divertissant comme film. Ah non, mais là, on a l'air d'être... Il y a des films qui sont pas... Qui sont non, qui sont pas... pas Thor 1 et 2, honnêtement. Ah non, c'est horrible. Oh non. C'est un enfer. Je suis désolée, c'est vraiment non. un enfer. Captain 1, non, j'avoue, il est bien. Mais, tous les Captain America, ouais, mais en fait, le premier est boring as fuck, quand même. De Captain America en vrai, c'est mon préféré. Le deuxième, j'ai cru que c'était un Avengers. Ah, j'adore le deuxième. Pour le coup, j'ai vraiment cru que c'était un Soldat d'hiver. Ouais. Il est génial. Non, c'est Civil War. Non, c'est Civil War. Non, c'est Civil War. Pour le coup, ouais. Je pense que c'est le 3 que je trouvais comme un Avengers. En fait. Oui. Du coup, je comprenais pas. Ouais. Le... Ah oui, clairement. Un peu un moi, j'ai pas compris. Enfin, j'ai adoré ça, Captain. Je suis d'accord. Pourquoi le mettre dans la franchise Captain? J'ai pas Captain. Parce que c'est l'histoire de Captain. Oui, en fait, parce que c'était centralisé autour de Bucky et Captain America. Mais en fait, comme tous les personnages étaient un petit peu avec leurs arcs narratifs un peu méli-mélo après Avengers, en fait, ils avaient besoin en fait de les remobiliser, mais au final ils sont là que pour juste la scène de la bataille à l'aéroport quasiment. Hein. Oui, mais ce qui est bien, c'est que dans la narration ils sont quand même vachement là. Ouais. C'est-à-dire que. Oui. Mais en fait, on parle tout le temps. On n'a pas besoin de les voir tout le temps. Ouais. Mais on parle souvent d'eux, donc du coup t'es. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans les autres films. Bah en fait si, hein. Parce que regarde là avec Doctor Strange qui va sortir, oui, ça va être un peu la même chose. C'est très mais parce que Civil War a hyper bien fonctionné comme ça aussi, oui. Je pense que ça a joué, hein, parce qu'avant il n'y avait pas trop ça. Hein. Bah non mais. Parce que la vanne permanente. Excuse-moi, ouais. Je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est moi. Mais la vanne permanente de, en gros, si tu fais un film avec des enjeux, genre la destruction de la planète qui sont hyper énormes et t'as pas un seul Avengers qui ramplique son cul. Oui, voilà. Pardon, mais genre là ils l'ont fait dans Civil War, mais ils l'ont dans aucun autre film. Bah dans moi, c'est. Alors, on parle toujours de ce film, désolé. Spider-Man. Désolé, Ken Branagh, mais. Le Thor 1, pourquoi il n'y a pas Iron Man? Pourquoi il n'y a pas Captain c'est Marvel vrai. Pourquoi parce que on... Captain Marvel, elle est... j'adore Marvel, elle est cheatée, elle n'existait pas. Dans la méta, elle n'existait pas, mais dans l'histoire, maintenant, avec ce qu'ils ont rajouté, c'est-à-dire qu'elle existait depuis les années 80, en fait, oui. Bah, dans le souhait, tu te dis avec le recul, mais pourquoi il n'y a pas d'autres super-héros qui disent bah, attends, c'est bizarre, il y a quand même un objet qui vient de tomber du ciel. Moi, je pense que. C'est dû au fait que leur ambition première quand ils ont fait Iron Man, c'était pas... Enfin, je pense qu'ils avaient envie de faire Avengers, etc. Je pense qu'ils voulaient s'arrêter à Avengers. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès fulgurant, en fait. Et je pense qu'ils s'attendaient pas à complexifier autant l'univers. Est-ce qu'ils s'attendaient pas... Parce que Disney a racheté moment d'Avengers, je crois. Oui, un mais peu avant. Justement, les premiers films un peu de présentation des personnages de background story, Iron Man, etc., où de base, leurs arcs narratifs étaient tous séparés. Justement, ce qui faisait d'Avengers un film aussi innovant, c'est que c'était... On rassemble des personnages qui n'ont aucun arc narratif en commun. On va en faire en sorte qu'ils en aient un. Et c'était ça, en fait, qui faisait qu'il y avait une telle... Il y a eu un énorme engouement autour du premier Avengers en 2012. C'est parce que, justement, c'était la première fois où on les voyait ensemble. Et c'était un peu... Bah, chacun avait son chouchou. On aimait tous un peu les personnages. Et ça y est, on va enfin les voir ensemble. Tu sais, quand ils font des crossovers entre deux séries, c'est maintenant, genre... Honnêtement, ils ont tout piqué à Martin Mystère et Total Space. Exactement. On en parlait, justement. Disney, remboursement. Ouais. Non mais oui, évidemment, c'est, puis c'est le truc, c'est le fan service ultime Avengers 1. Oui. Le 2, ils ont essayé de faire un truc qui sur le papier peut bien marcher, c'est-à-dire bah c'est Iron Man qui essaie de tenter un truc, ça lui échappe et ils doivent rattraper le problème dans Avengers 2 qu'ils introduisent les jumeaux Maximoff. Oui. Ouais. Oui, bah, l'air d'Ultron. Bon, je retire ce que j'ai dit, j'aime beaucoup Twin. Ah, ouais, mon perso préféré donc ouais, c'est lequel des deux? Wanda. Ouais, bah oui, parce que l'autre il est pas resté très longtemps quoi. Non. Et Délité d'âle quand même. Mais justement, c'est hyper, ça allait hyper vite la mort de ce gars. Oui, alors oui, attention, on va spoiler à balle tout le MCU. Hein. Non, mais là, il y a trop d'années à prescription, si je puis me permettre. Ouais, mais après, je me dis, ceux qui découvrent le MCU maintenant, genre, moi, mes sœurs qui ont 12 ans, quand elles vont regarder le MCU dans pas longtemps, elles vont avoir genre 25 films à regarder. Elles les regardent quand elles veulent. 27. Maintenant, ouais. Ouais, non, mais jusqu'à Endgame. Après Endgame, il n'y a plus. Voilà, c'est fini. C'est pas vrai, parce qu'il y a vraiment. Non, c'est pas vrai. Non, mais après, ça devient un univers. Là, t'as une saga et ensuite t'as un univers. Ouais. Enfin, un multivers. Je déteste Spider-Man 3. Oh non. On va en parler, Antonin, on va en parler. Mais oui, la session rattrapage. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, les gens qui vont découvrir ça maintenant, ils ont la chance de pouvoir le découvrir tout d'un coup. Ouais. Ils n'écoutent pas des podcasts, donc t'inquiète, tu peux spoiler. Non. Bah. Ouais, c'est vrai. Une audience de quarantenaire. Ça va quoi ? Salut papa. Du coup, bah, on a un peu navigué autour de la question de ce à quoi ça nous a pensé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut identifier dans ces films de super-héros comme étant des tropes, au final, des trucs qui doivent arriver ? Alors évidemment, je vais me retourner vers Angie, puisque elle. Tu écris une thèse dessus, mais. Non, oui. Mémoire. Bah, mémoire, pas une thèse. C'est déjà beaucoup. Oui, bon. Alors, la première chose que je vais dire... Tu fais une disserte, quoi, de... Ouais, de 80 pages. Ouais, ça va, ça se fait. Bah, déjà, je dirais les costumes en latex, hein, parce que... Déjà, en fait, non, il y a déjà les critères physiques. Il y a déjà les critères physiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'un super-héros, au-delà de ça, en plus d'être identifié par les autres, c'est-à-dire reconnu par les autres, que ce soit par d'autres super-héros, dans le cadre, du coup, du MCU, du univers DC, il faut aussi qu'il s'identifie lui-même comme un super-héros. Mm. Sinon, on a un peu la figure de Jessica Jones qui est un peu ne veut pas être super-héros. Donc voilà, il y a un peu cette super-héros malgré lui. Le c'est dernier ça. Film de Philippe Lachaud. S'il te plaît, arrête. Merci. Je suis Batman. Arrête. Ah ouais, non. Philippe Lachaud, je sais pas, reconvertis-toi parce que là c'est fini. En fait, c'est plus possible. Donc voilà, il y a un peu toute cette part d'identification d'abord visuelle, il faut qu'il y ait un peu un univers visuel, un univers musical, hein, si vous faites ta-ta-da, vous savez de qui je parle. Il y a aussi... Non, j'ai pas. Non, c'est Spider-Man. Spider-Man, mais la série par contre. Oui. Pas le... Enfin, ce qui a été repris à chaque fois dans les films. Le thème musical qui est toujours un peu sous-jacent, mais retravaillé. Et donc voilà, il y a toute cette partie d'identification qui passe par le physique, qui passe par justement un physique plus ou moins développé ou non, dans certains cas, par un costume, par aussi une identification mentale. Donc il faut accepter son rôle, il faut accepter son envie de sauver les autres, et il faut aussi une entrée en ce que j'appelle une entrée en guerre, c'est-à-dire qu'il faut un but, c'est-à-dire pour quelle raison tu vas te battre. Donc par exemple dans le cas de Batman et de Spider-Man, c'est défendre sa ville, défendre l'endroit où il est né. Sinon il y a la justice, au nom de la justice. La donc, justice. C'est ça. Il faut le dire avec la voix. Sinon. On peut le faire avec la voix comme ça. au nom de la justice. Et dans le cadre aussi des super-héroïnes, on a aussi ce qu'on va appeler le care, donc la capacité de prendre soin d'autrui. Donc on a un peu ces deux grands thèmes. Le care en anglais. Ouais, le care. Je me dis, sinon il faut défendre absolument la vie. Non, c'est parce la capacité à prendre soin des autres. Attention. Hein. C'est ça. Mais on va appeler ça le care. Ok. Le care. Avec l'accent. Le car. Oui. L'autobus. Et donc, un peu, une fois qu'on a un peu tous ces éléments-là d'identification et qu'on reconnaît en fait la figure d'un super-héros, donc au-delà juste des pouvoirs, hein, au-delà juste de ses capacités physiques ou mentales à rentrer en guerre, il faut déjà avoir cette envie de le faire. Et c'est ça qui est caractéristique du super-héros, c'est la volonté de sauver les autres, de sauver à grande échelle des personnes. Et ça passe du coup par tout un processus d'identification et de backstory. Mais il y a un truc qui est de plus en plus tricky avec le super-héros, et notamment à cause du MCU, c'est... En gros, capacité naissance ou pas naissance, tu vois. Genre, pour le coup, j'avoue que j'ai eu plus de mal à accepter le fait qu'on considère, par exemple, Thor comme un super-héros, contrairement à un Spider-Man, tu vois, ou un Iron Man tricky aussi, mais plus un Spider-Man. parce que tu sais genre il y en a ils sont genre on va dire nés comme ça et d'autres pas du tout qui le sont devenus et qui ou d'autres qui le sont devenus et mais Flash. Thor est devenu un super-héros non mais par c'est, ses actions c'est, ouais voilà. Non mais c'est devenu un héros peint il était déjà super était dans déjà le sens super naturel ouais. Tu vois ouais, mais c'est devenu un héros plus qu'un super-héros mais ça reste une merde du maître selon moi mais en tout cas on va surtout Chris Hemsworth en tant que personne comment tu as Chris Hemsworth en tant que personne aussi, il n'est pas forcément très... Voilà, c'est pour ça que je disais qu'on avait aussi à la fois besoin d'avoir des... Les pouvoirs ne font pas d'un ne personnage, pas tout, d'un super-héros ou une super-héroïne. Il faut aussi ce côté, bah, il faut s'identifier soi-même et avoir la volonté justement de desservir un but de justice, de care ou de protection. Quoi. Mm-hmm. Mmh. Et ça, ça arrive soit... Enfin, ça arrive souvent par contrainte. C'est-à-dire que t'as pas, t'es mis devant ta nécessité de défendre oui, Spider-Man aussi. Quand... ou Mégalo. Iron Man. Ah ouais, mais c'est un peu l'exception parce que Iron Man c'est le seul qui brise un peu la règle qui est, il dit qui il est. Oui. Batman par exemple c'est un peu, enfin on prend les plus connus mais Batman c'est la nécessité de défendre sa ville parce qu'il considère que elle est pourrie par le crime. Superman c'est parce que enfin dans les films en tout cas c'est parce qu'il y a Zod qui arrive et qui veut détruire la Terre parce que sinon il vit sa vie tranquille. Tu vois. Tous les films comment dire, en tout cas tous les Marvel etc., ils sont toujours forcés par le destin. Captain America. Je suis pas d'accord. Bah si. Moi je suis d'accord avec moi en tout cas. Non mais moi je suis pas d'accord. Non mais si t'as comment dire aucun antagoniste à combattre, si ton but c'est pas forcément la protection d'une ville en soi, t'es tranquille. Dans un scénario, parce que là on parle, oui. On définit le personnage, mais nous en tout cas on va écrire un scénario. Oui. Et du coup il faut, enfin il y a un acte, pas forcément des actes, mais il y a un protagoniste, un antagoniste et il y a des péripéties. Et s'il y a pas le, en tout cas, s'il n'y a pas la péripétie dans les films, c'est. Bah, en fait, non, même pas. Iron Man, je viens de réfléchir, mais Iron Man, il est contraint de faire son armure parce que sinon il meurt en fait. Ouais. Oui, mais après, en fait, au-delà de ça. Bon, j'ai une idée. Voilà, au-delà de l'entrée en guerre, après, il faut, enfin, comme c'est justement un univers long, il faut choisir de le rester, tu vois. Par exemple, tu vois, à aucun moment, un oui. super-héros qui se dit oh là là. Ça me fait chier d'être devenu un super héros quand même. Captain America, Spider-Man, Thor aussi. Bah, je trouve pas. Hein. Mais, je trouve c'est, mais pas ça, c'est à la fin. Quoi. C'est la plus fin tard. Des... Ouais, à part Hawkeye oui, qui raccroche sa veste dans la série. Parce que éponyme, le mec en avait marre, je crois. c'est parce que l'acteur il en avait marre. Mais j'ai un arc. Boing. Ok, Katniss. J'aurais beaucoup aimé le voir se battre en 1v1 contre Thanos. J'aurais adoré. Ça aurait été à mourir de rire. Il n'y a que Captain Marvel qui peut le battre de toute façon. Oui, enfin, c'est pris une mandale. Une mandale dans la gueule. On en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds. Alors. Je pense qu'elle peut porter pas mal de trucs lourds. Ah bah, la meuf, rien que juste en allant un peu vite, elle détruit un vaisseau, frère. Moi, je suis désolée, mais je trouve ça cheaté de ouf. Mais c'est pour ça qu'elle est pas là pendant tout le film. Mais ouais, mais j'aurais oui. tout résolu d'un coup. C'est mais pour ouais. ça que nous, dans le une film qu'on va écrire, j'ai pas envie que notre personnage il soit overpower. Enfin, ah non, il faut pas. Il faut des défauts pour le rendre humain. Bien sûr. Parce que moi, ce que j'aime pas chez Captain Marvel, mais chez tous les gens qui ont ce pouvoir-là, parce que je crois que c'est. Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film, mais. C'est le pouvoir, il se transmet. C'est pas genre. De Captain Marvel ouais. Non, en fait, elle. Enfin, oui et non, c'est pas comme dans Shazam, les. Quoi. Voilà, ça, c'est pas exactement ça. C'est juste elle acquiert à cause d'une source d'énergie, etc. Et extrêmement puissante. Oui. Donc, pareil, encore une fois, ça a été un peu malgré elle. Donc, c'est pas un pouvoir inné, etc. Elle a acquis. Et ensuite, elle a acquis la volonté de justement de l'utiliser. Sauver, de l'utiliser, et du coup, de sauver la population, du coup, des aliens qu'elle sauve dans le film. Mais les vers là. Oui, c'est pas les orques, c'est les. Oui. Ils sont capables de changer d'apparence, mais j'ai plus le nom. On va commencer le scénario quand même, parce que je pense que de toute façon. Mais il faut qu'on identifie les trucs scénaristiques. Ah, les trucs scénaristiques. Le personnage. Le personnage, tu as dit vachement de choses quand même. T'as dit vachement de choses, mais il y a le chemin du héros déjà qui est un peu le trope scénaristique très récurrent. Bah, de toute façon, on va faire une origin story là. Enfin, de toute manière, je pense que notre premier film, ce sera une origin story. On fait un préquel. Bah non, parce que ça veut dire qu'il y aurait eu un film avant. On en a fait le préquel du film qu'on a écouté, qu'on a écrit dans Intérieur de Nuit avant. Non! Bah j'ai pas écouté l'épisode, moi. On va faire notre origin Personne. Story à nous. On n'a pas fait nos devoirs. Non, mais on va faire notre origin story à nous, je pense. Ouais, et on va reprendre tous les trucs clichés des super-héros qu'on retrouve dans tous les Avengers, tous les Captain Marvel, tous les machins. Ouais. Mais moi, il faut. Parce moi, qu'il y a une rythmique particulière dans. Je veux tout ce qui un, est pas Marvel, un film à la Kick-Ass, par contre. Je vous plaît. Je veux un film sérieux, mais qui est volontaire. Un nanar de super-héros. Je veux genre, qu'on écrive un peu comme Deadpool. Non, j'aime c'est pas Deadpool, trop ça casse Deadpool, mais... C'est pas trop un nanar. Deadpool, c'est pas un nanar. Oui, mais justement, il... Ça se différencie quand même des autres films du MCU. Mais juste par l'humour et briser le quatrième mur. Mais pour le coup, c'est sensiblement la même chose. Scénaristiquement, c'est pas. Mais je crois que justement, ça reste un héros. C'est peut-être ce qui a raté chez moi, en tout cas, mais c'est le propos du film, c'est que. On se moque et tout, mais ça reste. C'est clairement tradit. Hein. Il dit oui, bah regardez, je suis comme ça. Mais au final, c'est un peu l'analogie que j'aime bien de Karim Debbache, c'est regardez, j'ai fait un dessin, il est très moche. Il est très moche, hein. Ça ne change pas le fait qu'il est moche, tu vois. Oui. C'est pas parce que tu fais plein de blagues dessus en mode, hey, il est moche parce que j'ai fait ça, regardez, c'est nul. Mais ça ne change pas que le résultat final, il est moche, quoi. Il est moche. Voilà, c'est pareil. Du coup. Bah après, Deadpool, c'est pas nul à chier. Mais... Ah, moi j'avais bien aimé pour le coup. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Mais, par contre, Venom. Ah oui, non, mais là, c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, dans la scène post-générique, c'est Venom. Spider-Man. Venom, ouais, c'est Tom Hardy. Mais j'ai pas compris quel intérêt. Bah parce que il était dans Spider-Man de Tobey Maguire, donc en fait ils l'ont juste, comme Tobey Maguire a été réintroduit dans ce MCU là, bah ils ont réintroduit Venom. Oui, mais simplement. Du coup c'est le Venom d'un autre Venom. Genre c'est le, tu vois, c'est ça que d'un autre univers. Truc, c'est que le principe du multivers, de toute manière, le truc, c'est qu'ils sont en train d'éparpiller plein de cartes pour ensuite les réassembler. Mais est-ce que dans Venom 2 il apprend que Peter Parker est Spider-Man? Parce que c'est la seule raison pour laquelle les mais là il est pas au courant hein. Non, bah, même du dans coup, la scène pas générique dans ce, dans bah ce en univers. Fait non mais tu sais bah quand ils ont enfin quand il y a eu justement la couille qui a fait que les Spider-Man ils se sont retrouvés là, enfin bref, oui, genre, la débilité scénaristique du film. Bah en vrai pour le coup j'ai adoré le film, mais parce que Non, vous pouvez changer ça, vous pouvez rajouter de la farine un petit peu et des œufs aussi. Ouais, non, ça j'avoue c'était un peu trop, quoi. Parce que mon cœur Spider-Man, cœur a fondu. C'était plus un enfant dans le 2 en fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est que ça aurait été un enfant dans le 1, dans le 2 et dans le début du 3 aussi, mais là non, il est censé avoir grandi, sachant qu'il y avait les Avengers juste avant qu'il a fait grandir. Il y a une game quoi entre les deux. Voilà. Oui, donc il s'est pris une grosse claque. Donc il a vu Iron Man mourir devant lui, il a vécu tous les événements de Spider-Man 2 et là il fait vous pouvez changer ça, vous pouvez changer. Et Doctor Strange, qui est censé avoir la connaissance de la magie, oui, il lui dit pas ne me parle pas par contre. Si on a vu What If, on peut se poser des questions, parce qu'il y a, en fait, il y a eu énormément de théories qui ont bouillonné. Alors, d'accord, avec... mais quand tu vois la bande-annonce qui est à la fin du générique, tu comprends très bien que, bah, en fait, toutes les théories qui étaient sur, justement, les théories sur What If et sur Doctor Strange, elles tombent à l'eau. Bah non. Bah si. Bah pas avec le trailer, en tout cas, qui est sorti récemment. Bah justement, parce que justement, il y a un méchant Doctor Strange. Donc, en vrai, moi, je pense qu'il va y avoir un peu un twist là-dessus. Pour moi, il y a une raison pour laquelle Doctor Strange a agi comme ça. Et je pense que c'est aussi un petit peu ce qui va lancer... l'intrigue de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ça marche une fois dans Infinity War, c'est-à-dire c'est le one time. Si à chaque fois ce qu'il on sait qui c'est, bah du coup t'as aucun intérêt à regarder le film. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là c'est parce que. En tout cas, perso. Est-ce que vous deux, toi je sais que t'as vu What If. Ouais, j'ai regardé What If. T'as pas regardé What If? J'ai regardé What If et le fait que ce soit le tronc le grand méchant, moi j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup. En gros, What If, c'est un peu, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un petit peu une série qui pose la question, et si tel personnage n'était pas comme ça? Par exemple, je crois qu'il y a... Et si T'Challa était... Mais t'es mort, en fait. Et non, était Star-Lord. Ah oui, putain, c'est vrai, je l'ai et pas regardé. Et si T'Challa était Star-Lord, et en fait, et en si gros... Et si l'autre était roi de... Son antagoniste était le roi, du coup... le roi du Wakanda. Et en fait, il y a un épisode sur Doctor Strange où, en gros, et si Doctor Strange était méchant? Donc, en fait, Doctor Strange, dans son film, il n'essaye pas vraiment de sauver, grâce à la pierre du temps, du coup, sa bien-aimée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Rachel McAdams. Oui, voilà. Et en gros, là, dans What If, c'est un peu, il est désespéré et il veut absolument retourner dans le temps pour la sauver. Donc, en fait, il accumule des savoirs et des connaissances en sorcellerie qui sont immenses et qui, du coup, en fait, font de lui une mauvaise personne. Il devient un peu mal intentionné, etc. Et en gros, dans la bande-annonce qui est sortie là récemment pour la deuxième bande-annonce de Doctor Strange 2, on voit clairement qu'il y a deux Doctor Strange, donc un gentil, un méchant. Et après, il s'appelle Multiverse of Madness. Donc, voilà. Et puis surtout, le côté genre plusieurs versions d'une même personne, c'était déjà fait dans Loki. Donc... Voilà, mais justement aussi, c'est pour ça rejoint un des personnages aussi qui était dans la série Loki. Donc, moi je suis hypé de toute façon. C'est vrai que Loki, du coup on va spoiler tout, ok. Si vous de toute façon, si vous écoutez et que vous avez pas vu le MCU, vous en foutez. Mais et si vous écoutez et que vous avez vu, du coup vous bravo. Prenez. Mais non, quoi qu'on va peut-être pas dire la fin de Loki parce que c'est trop récent peut-être. Mais il y a moins prescription que genre l'ère du tronc. Le personnage de fin de l'épisode, enfin ce qui se passe à la fin, quoi, avec ce fameux personnage aux plusieurs versions, on va dire. Moi j'ai trouvé que c'était Là, c'est purement, je donne mon avis. J'ai trouvé que c'était juste trop. Que ça va amener des choses qui sont incommensurablement énormes par rapport au, à l'arc Thanos. Que je, l'arc Thanos, que je trouve, il y a des très mauvais films, des très bons films dans ce truc, mais le, la saga des Pierres de l'Infinité, elle est extrêmement bien ficelée pour oui, amener jusqu'à tout Endgame. Baiser dans Loki. Oh, et ça dans Loki, ils mal. Ont fait... Oui. Vous voyez la menace ultime, là. Les pierres, on les, ça nous sert de nul. Nul. Ah non, mais vraiment, ça m'a tellement genre, brisé tout ce que cœur. Vous avez... en fait, c'est comme s'il y avait un auteur, pendant une heure et demie, il était comme ça, en train d'écrire, et à 10 minutes de la fin, il fait... Ah oui, vous étiez en train de regarder des films, en fait, jusque-là. Et c'était un scénariste, c'est moi qui les ai écrits. Et du coup, tout était écrit avant. Et c'est chiant. L'idée, moi, l'idée de destin et tout, je déteste ça. Ouais, j'ai horreur de ça aussi. Enfin, en tout cas, dans les films, les gens croient ce qu'ils veulent, hein, mais dans les films, c'est en mode... Bah, quand tu conscientises trop qu'il y a un auteur derrière. Oui. Mais à la fois je trouve ça intéressant quoi, parce que du coup j'ai bien aimé un peu dans la... en fait j'ai bien aimé la première partie de Loki, mais moins la deuxième. Pareil. J'ai bien aimé un peu tout ce combat intérieur de mais alors si je n'ai pas de libre arbitre, qui suis-je? Oui. Et puis j'échappais justement un petit peu à tout ce qui est ma destinée, tout ce qui serait soi-disant écrit, et en fait qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est mon essence, et en fait on est presque sur un débat philosophique, et moi je trouve ça passionnant. Oh non, mais c'était passionnant, mais après quand il s'est barré et que bah, déjà je suis désolée, mais alors l'épisode là sur je sais pas quelle planète avec la bouguette là, oh, horrible, ça m'a rendu dingue. Sylvie, mais c'est là où à mon avis Loki a basculé dans un truc relou. Mais la série elle est pas détestable, c'est non pas plus, ce moment-là hein. Que j'ai pas non aimé. En fait moi j'ai trouvé ça tellement étrange d'avoir eu pas un spoil, mais enfin bref, d'avoir eu une série comme Falcon and the Winter Soldier que j'ai profondément détesté. Et en fait après j'ai vu Loki et j'étais en mode... En fait, c'est juste tellement pas les mêmes niveaux. C'est que là, tu vois, tu vas ouais, remettre t'as en question. Un street level et bah, le mec. Qui en gros, c'est juste avant, on a quand même eu WandaVision. Et WandaVision, qui pour moi est une fabuleuse série. Genre vraiment, je la trouve vraiment fabuleuse, mais qui par contre a le même problème que Loki. C'est t'arrives avec un concept hyper fort et en fait après, bam, tu retombes dans le travers de Marvel. Et j'adore Marvel, mais c'est vrai que c'est très lissé, très policé. Enfin, oui. C'est très aseptisé. Et en fait, WandaVision arrive avec un concept visuel. La fin de WandaVision m'a détruit de rire tellement c'était ridicule. J'étais la méchante depuis le début. Non mais vraiment, ce que j'ai compris. Tout le monde savait, mais enfin en fait c'est pas ça. C'est juste que t'arrives avec WandaVision, première série Marvel, et tout le monde se dit putain, en vrai elle envoie du lourd, même alors, si la fin elle est moins. Alors bien. Peut-être. Bah non pas du tout. Première série des studios Marvel, mais pas de Marvel Télévision qui a déjà produit beaucoup. Ouais, de séries. Oui mais enfin ce que je veux dire c'est oui mais là c'était genre Netflix, Disney Plus, Hulu. Oui mais qui est sorti sur Disney Plus. Oui. Et du coup, tu sais, c'était les séries qui lançaient en gros la phase 4, vu qu'on n'avait pas de film, vu que les salles de cinéma étaient fermées. Oui. Tu sais, c'était les premiers trucs qu'on nous a donné à manger, tu vois. c'est vrai. Et c'est vrai que WandaVision, ils pour le coup. Un peu laissé sur notre faim. Bah, je suis pas d'accord pour le coup, parce qu'après, c'est des séries. Donc, après, WandaVision, je crois que c'est une mini-série, donc t'auras pas de suite d'autres saisons. Ouais, il y a que Loki et Loki et What If qui vont avoir une saison 2. C'est ça. Et les autres, c'est que des mini-séries. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé ça génial d'offrir des arcs narratifs à des personnages qui sont hyper primordiaux, mais qui n'ont pas eu leur film à eux, mais de leur filer des séries qui, en soi, et qui en avaient quand même, genre, d'un point de vue visuel, genre, elles avaient quand même, genre, beaucoup de... WandaVision avait de la gueule, elle avait de l'originalité et tout. C'est ça que j'ai aimé, c'est un petit peu un souffle nouveau. C'est qu'en fait, tu vois, t'arrives avec WandaVision, ensuite tu mets Falcon and the Winter Soldier, qui a des enjeux, je suis désolée, mais qui sont juste pseudo-politiques un peu ridiques, et où en fait, ils se sont dit, on veut faire un truc un peu plus ancré dans le réel, avec les conséquences, en gros, des 5 ans où tout le monde a cané et puis est revenu, et en fait, ce que ça a engendré. Et du coup, il y a un truc hyper ancré dans le réel qui peut être hyper intéressant, mais qui a été bâclé parce qu'ils se sont dit, ouais, mais ça reste une série Marvel, donc en fait, ils donnent 10 minutes de combat à chaque début d'épisode pour que tu sois c'est un Marvel, et puis après tu te fais chier. Ouais, c'est, ça. C'est clairement ça. En fait, et ils sont et nuls c'est que dans ça, ce les genre-là. D'épisodes. Et moi je comprends pas parce que ça pouvait être hyper intéressant, mais je pense que déjà ils ont mis des scénaristes qui faisaient pas ce type de programme, et du coup ils savaient pas. Enfin, à mon avis, ils étaient en mode ah, j'ai une feuille blanche, je sais pas quoi faire dessus, du coup vas-y, on va écrire un combat. Voilà, et en fait après ils arrivent avec Loki où t'as des enjeux mais qui en fait te fument littéralement tous les films, tout le même développement Endgame. De tout. Mais non, moi mais ça m'a fait mourir. Et moi ça m'a fait mourir de rire. Moi ça m'a brisé le cœur. Mais moi c'est, voilà, c'est dommage parce que le personnage qu'ils introduisent à la fin, dans les comics et tout, j'adore le concept de ce personnage. Oui. Mais dans un univers à part. C'est-à-dire que tu peux pas le mettre. C'est un tu peux pas l'amener dans une série mais comme ça. Tu peux pas le mettre au même niveau dans un univers où il y a Daredevil qui est un mec aveugle qui est juste bon kung fu quoi. Non mais je suis désolé. Oh, ça marche dans les comics parce que c'est les comics et les auteurs de comics ils disent si je veux qu'il gagne, c'est lui qui gagne. Dans un film, t'as tellement de paramètres de réalisme entre guillemets qui est en tant que surtout de Marvel, ils font exprès de d'ancrer leur truc dans un pseudo univers réaliste, mais où il y aurait. Ils n'y arrivent pas. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que pourquoi aussi ça a pas marché Winter de Falcon et Winter Soldier. Oui, qui font Mandeville n'est pas si mauvaise que ça, mais juste c'était juste à mon avis des scénaristes claqués. C'était mauvais. Ils ont en fait c'est pas ça. C'est moi je trouve que le concept de base était génial parce que de plus en plus dans les Marvel et notamment par exemple dans Civil War où t'as vraiment un truc de les Avengers, les gens ne les aiment pas forcément, tu vois, ça boit des super-héros et nous on les admire. Dans la réalité, c'est des personnes qui à chaque fois qu'ils passent quelque part détruisent des villes, parfois des pays, et en fait genre ils sont là et ils s'en battre les reins des dégâts parce qu'en fait c'est à une échelle qui est au-delà de la Terre, qui est extraterrestre, et du coup en fait genre moi je trouve que justement avoir essayé de créer une série avec deux personnages qui pour le coup ont des backgrounds assez violents, qui sont ancrés dans l'histoire, mais genre l'histoire a vraiment l'histoire avec un grand H que nous on connaît, moi j'ai trouvé ça ambitieux et plutôt innovant, mais juste c'était mal exécuté. Exactement. Mais par contre c'était hyper intéressant comme idée, mais juste bah encore une fois c'est une question de ça, comme c'est des Marvel et que du coup tu peux pas non plus violenter un peu trop fort les personnes qui adorent cette franchise là, bah du coup tu vas quand même mettre des combats qui sont absolument improbables et totalement cheatés et faire beaucoup de symbolisme et tout. C'est plus le contexte autour de la série qui est bizarre. Je trouve aussi qu'ils ont eu du mal à se réinventer parce que c'est encore une fois la question du sérum, etc. Enfin c'est bon, on la connaît depuis 2009 avec le premier Captain America. Enfin c'est bon, on en a marre du sérum, on en a marre, ça suffit. Arrêtez de ramener le sérum. Qu'ils ont resservi avec Black Widow. Qu'ils ont resservi avec What If, qu'ils nous ont remis une couche avec Falcon et Winter Soldier. Stop. C'est bon. Marvel, le sérum, c'est non. Ils ont du mal à se réinventer. C'est pour ça que je trouve que tout le trope et tout cette deuxième phase, enfin pas la deuxième phase, mais le deuxième univers avec le multivers, justement, je trouve que c'est plein de promesses. Et je suis hyper hypée de voir ce qu'ils vont faire. Et moi, je suis d'accord que le coup du multivers, pour le coup. Enfin, c'est un truc qui pour, enfin, je sais, non mais enfin, ça n'a jamais été fait. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, je trouve que justement, il y a une envergure. Il y a une envergure, pas en film. Non mais bien sûr, je parle de film. Oui. Mais parce que le truc, c'est que t'as des moyens visuels qui sont beaucoup plus, et c'est bizarre, mais restreints quand il s'agit de cinéma que quand il s'agit de dessin, ce qui est à peu près logique. Oui. Et mais que tu peux avoir, par exemple, en dessin animé, pour le coup. Mais ils ont les thunes. Ils ont les thunes, mais t'as aussi une question de moyens. Comment tu fais pour, en gros, faire un truc d'une telle envergure où on parle de plusieurs univers différents qui sont, enfin voilà, et qui vont se mêler les uns aux autres? C'est quand même genre une promesse qui est tellement énorme que moi ça me mérite les poils, genre, mais dans le très bon sens du terme, genre juste je suis terrifiée en même temps passionnée par ce qui peut se passer, tu vois. Mais c'est pour ça que genre en fait on te lâche une promesse où on tape un WandaVision et une phase 4 multiverse et là on donne Falcon and the Winter Soldier, tu dis les Éternels d'ailleurs. C'est pour ça que je dis le contexte, c'est plus le contexte de la série, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un univers qui le dépasse. Parce qu'en plus le truc c'est que même si genre c'est des personnages très importants, enfin ils sont hyper développés, Falcon and the Winter Soldier du coup Bucky et Sam, c'est ça. C'est Sam. Il est à l'origine de Captain 2, des accords de Civil War, de ce qui a séparé, ce qui a fait qu'ils ont perdu dans Infinity War. Mais moi je trouvais ça bien, tout le deuil autour de Captain America, moi ça m'a aidé un peu à faire mon deuil de Captain America. Je trouvais ça bien. Pareil avec Iron Man et du coup Far From Home. Et l'évolution de Bucky, moi je la trouve tellement bien, brillante pour le coup. C'est un bon acteur ce mec. Ouais. Par contre, le personnage. Il pouvait faire autre chose que. Il pouvait faire autre chose que. J'ai du charisme, mais je suis hyper sexe, tu vois. Vous voulez pas voir, mais la caricature était très semblable. Je suis Sébastien Stan, c'est moi. On Stan. Merci. Stan, Sébastien Stan. Parce qu'en fait, vous parliez des séries, je les ai pas du tout vues. Donc c'est pour ça, j'ai écouté, c'était grave intéressant. Du coup, ça me donne grave envie d'en voir certaines. Regarde Loki, mais tu. Ok, il est très très bien. Okay, grave ce côté, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, ils n'ont pas trop parlé d'Okai, ils ont tout défoncé la fin de Loki. Oui. J'ai pas vu, pour le coup, j'ai pas encore regardé Okai, j'attendais que tous les épisodes soient sortis. Et bah, honnêtement. Il a un arc avec deux flèches à un moment, quoi. Ouais. Et puis surtout. Est-ce qu'il a une arbalète? Non, mais c'est pas ça. Mais en plus, ça doit du coup beaucoup t'intéresser vu ton sujet de mémoire. Mais c'est qu'en fait, ça introduit deux personnages féminins. Déjà, Yelena qui a été introduite, qui est la sœur de Black Widow et qui a été introduite dans le film Black Widow. Ouais. Et qui est un personnage qui est très très prometteur. Et surtout. Et qui va continuer, avec la fin du. Elle prend la suite, non? Oui, en gros, en fait, ce que j'aime bien avec ce début de phase 4, c'est qu'en fait, il y a les anciens super-héros qui sont un peu dépassés. D'ailleurs, j'ai adoré que dans Hawkeye, en fait, il montre que le personnage a vieilli. D'ailleurs, il porte des prothèses auditives. Bon, c'est pas un vrai spoil en soi, mais il porte des prothèses auditives. Donc, c'est bien aussi de montrer un peu que, ok, c'est des super-héros, ok, ils sont pas forcément aimés par tout le monde. Lui, il est vraiment très street level. Voilà. Et en fait. Quand je parlais de Daredevil tout à l'heure, lui, c'est encore pire, c'est qu'il a pas les sens développés. Quoi. Mais tu sais que, d'accord, mais par contre, ce qu'on oublie rapidement, c'est que Natacha, c'est pareil à la base. Hein. Oui. Natacha n'a pas pris de sérum. Hein. Et pourtant, dans Black Widow, on dirait qu'elle a pris un 4 peu, doses de sérum. Oui, c'est un peu gros. Mais le problème, en fait, avec Black Widow, c'est qu'on l'érige en tant que. Récemment, en tant que, justement, un peu icône de la super-héroïne. Mais en fait, le problème, c'est que. Vraiment, c'est vraiment pas ouf. Hein. Une arme du patriarcat pour le patriarcat. Enfin, c'est vraiment ça. Elle a été prise par des hommes, elle a été entraînée par des hommes pour servir le patriarcat. Parce qu'elle était une femme. Parce qu'elle était une femme. Donc, on lui prend d'ailleurs sa fertilité, on lui prend sa capacité à faire des enfants. Donc, au-delà de ça, on lui enlève sa maternité qui est la seule chose qui, dans le cinéma américain, donne de la valeur à la femme. Voilà. On lui cale une petite romance une fois toutes les deux semaines, on la sexualise à outrance, mais on lui fait un préquel pour la racheter, etc. et pour un peu repartir sur des bases stables. Ouais. Avec, je pense qu'ils n'y avaient pas pensé quand ils ont dit « On va mettre elle dans Iron Man 2 ». Voilà. Ah parce que quand tu regardes Iron Man 2, pour le coup. Parce qu'elle est jolie. Voilà. Et parce qu'elle a des gros nibards. C'est la secrétaire avec un décolleté. Enfin, c'est clairement ça. Hein. Bah, c'est pour ça que je dis c'est le trope de la femme fatale. Ah, mais. Femme chat, la femme fatale. Donc, c'est exactement pareil que Catwoman. C'est vraiment tout est une métaphore sexuelle. Tout. D'ailleurs, il y a une scène du premier Avengers. Genre, je crois que c'est la scène introductive de Natasha dans Avengers. Dans Avengers ? Dans le premier Avengers qui est sorti, ah, c'est quand elle est avec les chaises, quand elle est attachée à la chaise. Alors, le bondage, les tropes sexuelles, enfin, on les a vus et revus mille fois. Et à un moment même, elle est genre sur les épaules du monsieur qu'elle est en train de combattre. Oui. Et genre, elle a son entre-jambe au niveau de son nez, quoi. Donc, c'est quand même pas très subtil. Après, c'est peut-être pour faire un pied de nez au patriarcat, justement. Non, non, elle lui met ça. C'est écrit et réalisé par un homme, il me semble. Oui, celui-là, ouais, je crois. Bah, tous, sauf Captain Marvel et les Éternels. Les éternels naufrages. Son autre film était mieux. Maintenant, Noël. Rien à voir. Enfin, si, en soi, c'est que des paysages. Mais il y en a un où c'est justifié. Vous battez ou pas? Non, et pour le coup, les éternels, on va grave pas. Enfin, on va tellement pas le prendre, je pense, comme exemple. Moi, j'ai dormi 50% du film parce que vraiment, c'est mauvais. Tu l'as dit hier. Donc, c'est quelqu'un qui. Et le pire, c'est que même en ayant dormi 50% du film, j'ai compris ce qui s'était passé, tu vois. Donc, il y a vraiment un problème. En fait, quand tu nous as posé la question de qu'est-ce que c'était un film de super-héros, en fait, c'est dans le titre, c'est je trouve que ça gravite énormément autour du personnage. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà de la dernière fois où on parlait de la comédie, il y a aussi beaucoup d'humour de situation avec le super-héros, en fait, la narration. Les scènes, le scénario tourne autour du développement d'un personnage, donc que ce soit de sa psychologie, que ce soit de son physique, que ce soit de ses pouvoirs, mais aussi de sa capacité à sauver les autres. Le film de super-héros, en fait, gravite autour d'une figure, d'une icône qui est parfois élevée même au rang, au niveau de la population, de Dieu, quoi, avec Thor. Ça se rapproche du biopic, en fait. Exactement. Et en fait, donc je pense que ce qui est central dans la construction d'un scénario d'un film de super-héros, c'est déjà la construction du personnage ou de la figure en question. Donc c'est un peu toute la question, parce qu'au final, après que tu mettes des boum-boum, des pampans ou des méchants, ce qui compte, c'est comment est-ce que le super-héros ou la super-héroïne va gérer ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après une petite page de publicité. Une petite page de réclame. Achetez nos produits. Alors du coup, on va voir comment ce personnage qu'on va écrire... déjà, qui il va être et surtout comment il va évoluer, quel va être le... Ouais, moi, la question la du coup, que j'ai envie de poser dans un premier temps, c'est allons-nous faire un film de super-héros révolutionnaire ou... Non, moi, je veux des clichés, moi. Non, nous, le but, c'est de faire du cliché, à la limite de faire des blagues. Un super-héros, alors. Oh, est-ce qu'il va être blanc? Oui. Est-ce que c'est hétérosexuel? Oui. Un homme? Oui. Avec des gros muscles? Oui. Non, même pas. Non, pas au début, parce qu'il va les avoir après. Il va faire après. Un training montage. Mais de toute façon, en fait... Comme le makeover dans les rom-com, et ben là, on va faire ça. Mais vous savez, je me suis posé la question dans mon long, long trajet en RER, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu de nouveau? Parce que j'ai l'impression que... Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est de partir... désolé de te couper. De partir d'un truc très cliché, mais à chaque fois d'incorporer des trucs. Ouais. C'est un peu ce qu'on a fait dans les trois précédents épisodes, c'est-à-dire pas vraiment du truc... Enfin, très dingue. Le plus... très dingue. Le titre est mon préféré pour l'instant. de partir vraiment du clou de base, vraiment le vanilla du film de super-héros, et ensuite de rajouter des petits toppings, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, alors, dans l'épisode où on a écrit une série Netflix, on a vraiment juste écrit la scène d'introduction. Mais parce que c'est une série. Ouais, c'est vrai, mais c'est... quand même. On a écrit la scène d'introduction d'un épisode de série. Après, alors voilà. Où on enregistre, je l'ai pas encore monté cet épisode et je pense qu'il va faire moins que les autres parce qu'on va couper la moitié. Oh là là. C'est possible, non, c'était chaud. Non, mais c'était marrant. Alors, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est très marrant. Mais je sais pas à quel point vous allez écouter tout ce qu'on a dit. Parce qu'on est parti un peu loin. En aparté, en tout cas. Du coup, on part sur un mec, voilà. Mm. Mais moi, ce que j'aimerais bien, tu vois, puisqu'on est sur le personnage, c'est que on dévie sur le fait que c'est pas lui le personnage principal. On commence par lui qui est un super-héros. Ouais. Et en fait, on se rend compte que il y a une autre personne qui donc pas un homme, pas un blanc ou je sais pas quoi, qui devient le protagoniste du film. Parce que c'est quand même cette personne très très anti scénario là pour le coup. Bah ouais. Parce que le truc c'est que normalement quand tu commences un scénario tu dois genre bim pas avoir les enjeux mais en tout cas genre introduire le personnage. Ouais, introduire le personnage et surtout dans un film de super-héros. On introduit le personnage et là on fait en fait non. En fait c'était le méchant. Tu me fais une psychose là un peu. Et du coup c'est pas un film de super-héros c'est un film de super méchant. MacGuffin. Bah on peut faire ça. Hein. On peut faire un film comme ça. Ça se fait assez peu, hein, en plus, dans les films de super-héros, le MacGuffin. Hein. Enfin, Lise, t'avais l'air d'avoir les yeux qui brillent quand j'ai dit ça, mais si tu veux expliquer peut-être ce que non, c'est. Non, vas-y, vas-y, je fais ça. Bah, enfin, du coup, si je ne me trompe pas, un MacGuffin, c'est quand, en fait, C'est un sandwich qui est plus servi à moi. En gros, c'est quand tu introduis une sorte de quête à un personnage pour finalement arriver sur autre chose. Genre, par exemple, c'est... mettre la main sur des papiers très importants et du coup en fait ce qui va être important c'est pas les papiers en eux-mêmes c'est le process pour justement y arriver. Ça, Pulp Fiction est toujours mais en fait dans tous les films Psychose c'est clairement dans tous les films il y a ça, c'est un peu le but caché. Il y a ça dans tous les films, non, parce que MacGuffin c'est vraiment un objet, c'est que la plupart du temps le MacGuffin en fait c'est tu t'en bats les reins finalement de ce que t'es censé récupérer. Genre par exemple dans Psychose du coup c'est quoi qu'elle est censée récupérer, elle est censée rien récupérer, elle est censée prendre l'argent. Ah oui. Se casser et en fait au final elle se retrouve dans un motel et c'est là où en fait l'histoire se passe, quoi. Commence vraiment à ce moment-là en fait, au final on s'en fout où elle comptait aller, ce qu'elle comptait faire de l'argent, etc. Et c'est tout, on sait même pas pourquoi en fait, je crois elle le enfin tu sais oui, pas on vraiment sait pourquoi... vraiment pas pourquoi elle se barre, on sait de sa vie, elle quitte tout ce qui son boulot, son taf, tout ça. Mais c'était un truc en tout cas, genre c'est vraiment le truc hitchcockien de base, quoi. C'est lui qui l'a donné son nom. Moi j'ai une idée pour notre scénario en fait. Ce que serait bien, c'est un peu de du coup comme tu disais, garder un peu cette idée, moi ça me plaît de suivre un premier personnage en fait qui veut tout faire pour être un super héros et qui en fait Nicolas Cage et Chloé machin, c'est clairement ça. Donc qui casse, hein. Oui, mais c'est pas des super méchants. Ouais, mais c'est qui veut tout faire pour être super, un peu comme Spider-Man, tu vois. Moi j'aurais plus dit ça, un mec qui a vraiment des pouvoirs, pas genre un Batman low cost, tu vois. Alors quelqu'un qui a des pouvoirs, d'une manière ou d'une autre, qu'on va écrire, bien sûr, c'est notre job, par une péripétie quelconque, a un pouvoir qui dépasse... l'entendement. Inné ou pas inné? Non, pas inné. Non, parce que justement, je trouve que c'est ce qui fait que tu veux devenir un super-héros, c'est maintenant que t'as des capacités, genre le fait d'être né avec quelque chose, t'as vécu sans. Et le truc, c'est qu'il y a un côté, même parfois, genre hyper éphémère, genre tu sais même pas combien de temps tu pourrais potentiellement garder ce truc-là. Ça pourrait être cool, justement, de faire un truc genre, tu sais pas, genre, tu sais, là, t'as des capacités, donc tu vas en faire bénéficier les autres, et parce que tu sais pas combien de temps tu vas garder ça. C'est un peu, ça fait penser temporaire. Un peu à Shazam. Spider-Man 2. Shazam, j'aime bien... Je sais pas si vous voulez pas. J'ai pas vu Shazam, on m'a dit. C'est un DC. Merde en femme, on m'a dit. C'est pas celui qui se transforme. Enfin, c'est un gosse, et en fait, quand il fait Shazam, il se transforme en super-héros, super cliché. Si c'est, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça, et il a le pouvoir. Il combat les monstres des 7 péchés capitaux, et il a le pouvoir des 7. Je sais plus, c'est légende mythologique grecque, je crois. La vitesse d'Hercule, le truc comme ça, quoi. Enfin, la force d'Hercule. Bref, je sais plus. À la base c'est un ado, et vraiment quand il est choisi, parce que le gars qui a ces pouvoirs là il va mourir et il a pas d'autre solution que de prendre un gars un peu au pif. My Hero Academia, j'ai pas vu. C'est un peu le même principe. Ouais, mais Shazam c'était là avant. Enfin, en gros, genre dans My Hero Academia t'es censé avoir genre un moment un pouvoir qui se manifeste, et il y a un petit gars non, et en fait le truc c'est que il y a un pouvoir qui se transmet, et il rencontre le mec qui se transmet, c'est son héros absolu. Voilà ça. Et du coup en fait il décide de l'entraîner pour en fait qu'il puisse manifester ce qui est le pouvoir de ceux qui en ont pas, tu vois. Et du coup il fait un taf monstre, All for One, voilà. Et du coup il finit par l'obtenir, mais il le maîtrise pas, enfin bref, mais c'est un pouvoir genre huge quand même. Mais bref, voilà, c'était ça. C'est un peu ça, Shazam, ouais. Ou alors il y a une BD qui parle de ça, c'est, je crois c'est Légende de... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Où c'est un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Mais ça peut être des super pouvoirs de bâtard, genre cracher du feu avec ses mains, ou maîtriser genre un liquide en particulier. Ah, ok. Genre tu maîtrises le jus d'orange, tu vois. Ah, genre, ouais. Ou alors tu peux un peu ouais ou alors tu peux contrôler un type d'animal particulier, ou alors tu voles, genre c'est des trucs complètement random. C'est un My Hero Academia, c'est ça, hein, c'est que ouais, il y a des pouvoirs pourris et des pouvoirs plus chouettes que d'autres. Bah, la grenouille, je sais pas lequel est arrivé avant, mais ça c'est une BD française. Mais ça c'est repris parce que My Hero Academia c'est un manga, mais il y a un autre manga dont j'ai plus du tout le nom, mais qui reprend exactement ça. Tout le monde a des super pouvoirs complètement hypé ou complètement débile, et il y en a un qui en a pas, en fait, justement. Et ouais, de vivre, en fait, c'est vraiment un sujet qui est pris. En canto, c'est pareil. Hein. Mais ouais, c'est ça, hein. Tout le monde a des super pouvoirs sauf la fille, et puis au final, elle en a toujours pas. Et à la fin, c'est toujours la morale de, à force de volonté, généralement, c'est comme ça que tu accomplis tes plus grandes choses. C'est Rock Lee dans Naruto, en fait. Oui, exactement. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cet article. Et que des fois, juste la volonté, c'est ton super pouvoir, quoi. Exactement. Et le pouvoir de l'amitié. Et la super force aussi. Il est quand même très, très. Il est un peu fort. Oh, le combat contre Gaara. Ouais, putain. Je l'ai jamais regardé, l'anime Naruto, mais par contre, les mangas, je les ai poncés 4 fois. Et du coup, Naruto, super-héros ou pas super-héros? Super-héros. Quoique. Héros tout. Bah oui, mais il a l'entraînement, il maîtrise certaines techniques. Il a un etc. truc inné aussi. C'est, ouais, oui, c'est, un oui, c'est le fils du Hokage. Pardon, spoiler. Bah, c'est le pas son renard neuf queues, le truc inné à la base. Enfin, inné, non, il s'est pas inné. Oui. Ah non, ça. À quelques oui, minutes c'est... près. C'est Kyuubi. Il lui a inséré le pouvoir. Dans le bide. Au moment du cordon ombilical. Voilà. Oui, il a un super tatou sur le ventre. Hein. Très stylé. Hot. Est-ce qu'on n'aurait pas trop un peu divagué là de notre. À peine. À peine. Bah non, parce qu'en soi, c'est. Mais non, mais c'est là où on se rend compte que c'est un véritable trouble, le côté où en fait, t'as. Enfin, c'est pas. Le fait que ce soit pas inné, ou même que ce soit pas, tout court, et que c'est à force de volonté, et comme la volonté de vouloir devenir un super héros. Bah moi je trouve que enfin ça a du sens, tu vois, et, ouais. Et en fait c'est là où tu peux voir justement c'est là où en fait une personne qui a des capacités devient un héros, c'est à force de volonté, enfin genre avec ça. Avoir un bon fond, je mets des gros guillemets, mais un bon fond. Et en fait vouloir utiliser tes capacités que tu dois d'abord maîtriser, parce que généralement dans les films de super-héros il y a toujours le moment où en fait putain tu maîtrises pas tes pouvoirs, tu les découvres petit à petit, en fait tu les maîtrises pas, donc en fait tu te prends des branlées, etc. Ou souvent aussi c'est des par exemple dans Superman, je pense au film, c'est des démonstrations de force, genre quand il chope une voiture il la retourne, tu vois, c'est soit ça quand il met le tronc dans le camion. Oui, c'est ça. Mais il y a eu la même chose d'ailleurs avec Wonder Woman, où en fait ils ont juste repris des codes masculins du super-héroïsme. Ils l'ont appliqué à Wonder Woman. Après, c'est extrêmement mal fait. Sauf qu'ils lui ont mis un juste au corps à elle, quoi. Ouais. Voilà. Elle montre un peu plus de peau que Superman. Voilà. D'ailleurs, Superman, il a une combi et en plus de ça, il a un slip par-dessus pour vraiment rien montrer. Personne ne lui a dit que c'était dans l'autre sens. Super héros, mais pas très futé. Donc, moi, je vois bien un truc. J'aime bien l'idée de la transmission de pouvoir. Ah, moi, j'aime bien, j'avoue. J'aime bien cette idée de transmission. Voilà, on me crache dessus, puis au final, on se rend compte que j'avais raison. Non, on crache. Oh là là. Je rigole, ça va. C'est mon émission, de toute façon, je le montrais de manière à ce que vous m'insultiez. Ouais, non, bah ouais, moi j'aime bien aussi le côté transmission. Et comment tu pourrais être. Enfin, du coup, on commence là avec. La transmission, c'est dans la voiture, là, c'est quand tu fais la. Mais tu changes de voiture. Il est con. Non, mais est-ce que c'est. Est-ce que du coup, en fait, tu. Comment dire, genre la personne qui transmet son pouvoir, c'est parce qu'elle a le doigt de clamser? Ou c'est juste parce que, je sais pas, il y a un âge, comme par exemple, tu sais, à l'Opéra de Paris, tu dois arrêter d'être danseur à 42 piges, ouais. Bah là c'est pareil, t'as un âge limite. Ouais. Moi je vois bien un truc du style. Genre c'est un random qui a jamais voulu être super-héros et qui au départ veut pas l'être. Genre en mode, il y a un peu une scène où il est dans la rue, genre il rentre de l'école ou machin, genre s'il est jeune ou quoi, ou du travail. Et genre, malgré lui, en fait, il assiste à un combat genre épique. Les Wings. C'est l'épisode 1 des Wings. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et où, en fait, le super-héros, qui est genre un peu une divinité que tout le monde connaît, mais en fait, lui, c'est le seul qui sent pas les couilles des super-héros, pour une raison obscure qu'on apprendra plus tard dans le développement de son histoire. En fait, le super-héros, il lui dit, bon, bah, je te refile mes super-pouvoirs parce que je vais canner, là. Et du coup, boum. Parce que c'est le mais seul c'est le principe pardon si je te coupe, mais c'est le principe même de la tueuse dans Buffy contre les vampires. C'est quand t'as une tueuse qui meurt, et bah il y en a une autre qui est élue, et en fait bah c'est Ghost Rider aussi. Bah, ok, c'est le principe de Ghost Rider. C'est le démon qui choisit un rider par génération. Ok. Okay. C'est quand le rider meurt, il en choisit un autre. Mais est-ce que ça vous va ou pas ? Ouais, moi en tout cas j'aime bien le côté transmission et mais moi je pense que ce qui peut être drôle et qui peut créer, parce que maintenant de plus en plus dans les films de super-héros t'as quand même une forme de second degré, en tout cas d'humour pas si potage que ça, mais avec un peu méta, qui peut être chouette. Mais je pense que créer une situation qui peut être un peu drôle et qui peut mettre des bâtons dans les roues à notre héros, c'est qu'en fait le mec qui lui transmet son pouvoir quand il l'avait, en fait il faisait pas forcément des trucs ouf avec, et du coup il a pas une bonne répute. Sauf que le truc c'est que les gens l'identifient, comme il avait un costume, à son pouvoir, et du coup disons que un mec qui utilise le même pouvoir mais pour faire le bien, directement on va partir du principe que c'est une merde, et en fait on va le confondre parce que un super méchant, du coup, comme ça. Que c'est un super méchant qui lui a refilé une sorte de super méchant qui refile le pouvoir à un mec random comme ça, je te curse maudit par de ce ouais pouvoir, mais c'est ça, sauf qu'en fait le mec se dit, et du coup ça pourrait être un pouvoir où en fait ça peut être difficile de voir comment faire le bien avec, mais où en fait du coup la première fois il l'utilise pour faire le bien, amalgame, genre en mode c'est l'autre connard qui était pas une personne très sympa, et ça pourrait genre mettre des bâtons dans le roi à la personne, parce que à la fois tu dois genre assimiler le pouvoir, le maîtriser et savoir comment l'utiliser, et en même temps on va est-ce qu'il a la volonté aussi, c'est parce que je pense que j'ai demandé, est-ce qu'il va avoir envie de faire le bien autour de lui ou juste continuer dans lui demander, d'ailleurs au début, il est là moi je trouve que c'est intéressant, genre tu sais, genre la toute première scène c'est genre lui qui se balade et genre partout dans les écrans les gens ils sont là en train d'encenser les super héros, et lui genre contrairement à tous les autres qui sont en mode ça c'est moi, je m'en bats les couilles, voilà, exactement, genre il s'en bat, vous demandez probablement comment je me suis retrouvée dans cette situation, c'est vraiment ça, genre je vais vous dire, on pourrait mettre cette ligne rewind. Et après, genre. Ça, c'était moi il y a deux semaines. Il tombe du coup sur le super méchant. Et en plus, et moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est rajouter de la profondeur et que, genre, en fait, le méchant n'était pas super méchant, mais genre en mode. Il y avait une explication, une profondeur. Parce que les méchants sont jamais méchants pour être méchants. Jamais. Non. Sauf le méchant dans Captain Planet. Captain Planet. Captain Planet, le dessin animé. Ouais, c'est super vieux. Bah, il y a. Vous avez pas vous... Non, je connais mais j'ai jamais pas vu. C'est un super héros qui sauve la planète des méchants, et il a des ados qui l'aident et qui ont chacun une bague, qui ont un pouvoir particulier, le pouvoir de la terre, le pouvoir un de peu les magical de rien, quoi. Witch, quoi. Et le pouvoir des animaux, de l'amour, tout ça. Et mais en fait c'est un truc écolo, c'est un message écolo, et il y a une méchante, vraiment son but c'est polluer. il y a pas c'est gros tas de morphes, quoi. Non mais il y a pas genre c'est le corporate greedy qui veut polluer, mais parce qu'il va se faire de la thune dessus, elle veut juste polluer. Tu m'entends dire un épisode des Total Spice par mais de ouf. C'est Captain Planet, c'est un dessin animé de ce genre là mais des années 80, ouais, genre. Ah ouais, okay. Un peu précurseur le truc, quoi. Donc vraiment ce serait marrant que le mec il soit vraiment genre méchant, juste j'aime pas la planète, j'aimerais bien pas avoir de bénéfices mais juste emmerder les jeux. Ça peut être drôle. Thanos. Ça peut être drôle. Mais du coup ça ruine un peu tout le il était pas si méchant que ça. Pour le coup on a l'enjeu de base, genre on a notre perturbation, tu vois. Ouais. Notre perturbateur endocrinien. D'accord. Ça sera coupé au montage. Ah non, bah non, c'est moi qui décide. Putain. Et je vais rajouter des rires. Ça, je fais des sons seuls, comme ça je les rajoute. Mais on a comment il s'appelle déjà quand même notre héros, il est américain, parce que c'est que les États-Unis qui sauvent le monde. Il faut qu'il ait un nom et un prénom qui commencent par la même lettre. Comme Aaron, ça qu'on dit US, Peter Parker, et pas USA. Bruce Banner. C'est vrai, j'avais jamais remarqué, putain. Stanley qui l'a dit. Ouais. Il faut que ce soit. Dit, je sais pas, mais. Faut que l'initiale soit la même lettre. Stanislas. Stanislavski. Ah, mais. Wow. Et son pouvoir, c'est le jeu de l'acteur. En fait, il aspire la vie des autres, littéralement. Arrête, viens, on fait un truc comme ça. Comme moi, j'adore. Mais comme Kirby, et il devient la personne, et à chaque fois, il devient une personne de plus. On va faire une sorte de. Enfin, comme un truc un peu Lincoln tueur de vampires, genre. C'est Space Twice. Non, mais attends, moi, j'adore le concept de. Enfin, non, si, on va l'appeler. J'adore. Et en fait, ce sera. Si, notre personnage, c'est Stanislas. Stanislavski. Ah, mon pauvre. Et on va l'appeler Stan. Yves-Slavski. Et en fait, c'est le genre le petit-fils ou un truc comme ça, pour que ce soit, parce que c'est souvent moi je préfère que ce soit contemporain perso. Mais ça se passe dans les années 20. Non. Un super-héros dans les années 20, en vrai, ça peut être marrant, mais on l'enverra à la guerre, quoi. Captain America. Ouais, les années 20, c'est un peu avant. Non, au pire, je sais pas, où il y a un peu la guerre. Parce qu'il faut quand même que les États-Unis soient contre les Soviétiques, donc on va faire un contexte de guerre froide, parce que c'est encore quand même tout le temps. Tout le temps. C'est un film de super-héros. On est dans la guerre froide là. Arrête, c'est triste. on pourrait faire un contexte de guerre froide parce que quasiment tout le temps, tu regardes tous les films de super-héros, il y a toujours un rapport soit avec les nazis, soit avec les soviétiques. Ou la Space Race aussi. Les conquêtes de l'espace. Bah, c'est très lié à la guerre froide d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc, toujours, en vrai, moi je trouve ça cool de faire guerre froide. Enfin, bah, Watchmen, qui est l'un de mes. En tout cas, comics, le film, je sais pas trop me placer par rapport à mon opinion dessus, mais la BD est ouf. Pas lu. Espace dans le. Pas vu. Vous avez pas vu ? Non. Même pas, non, parce que pas vu. Beaucoup de gens ont vu le film et disent. On n'aime pas DC. Oui, mais c'est pas le DCU. C'est... Non, mais j'ai rien fondamentalement, moi, contre le DC. On n'aime pas DC. Ah, c'est peut-être Zack Snyder que t'aimes pas aussi. Oui. Pour revenir au truc, moi, pour le coup, moi, j'aime vraiment bien l'idée. De Stanislavski. J'adore, je trouve ça hyper drôle. Mais c'est Kirby, vraiment, c'est. Mais alors, attendez, explicitez s'il vous plaît les auditrices. Stanislavski, un metteur en scène, théoricien du théâtre, qui en gros a fondé la méthode. Alors j'ai oublié le nom de sa méthode, mais oui, enfin en gros celle de l'acteur studio qui est surtout représentée par McConaughey, je crois. Enfin, genre quand on pense à l'acteur studio, c'est en gros genre tous les acteurs américains d'aujourd'hui. Bah pas tous les acteurs DiCaprio, américains, mais DiCaprio, Daniel Day-Lewis, où en fait où vraiment on va se mettre dans des conditions physiques et mentales parfois très extrêmes pour rentrer dans son personnage et pour bien interpréter. On va utiliser ses propres ressentis pour interpréter ceux du personnage. D'accord. Voilà. Et en fait, genre fouiller à l'intérieur de son soi, genre vraiment au plus profond pour trouver une forme de connexion avec son personnage et le jouer au mieux. Et en gros, ça a été d'abord théorisé par ce mec qui s'appelle Stanislavski. Qui date et en fait il date chacal ça fait longtemps qu'il est pas venu au Ressoir. Putain, il était pas là hier. Et du coup en fait là le concept ce serait que il a tellement perfectionné sa méthode que ça pouvait en fait finalement être une sorte de pouvoir qu'il a transmis à certains comédiens et du coup qu'il a transmis à plusieurs personnes et du coup en fait on se retrouve avec Stanislavski qui serait genre son arrière petit neveu ou un truc comme ça mais qui en a pas forcément fait bon usage et qui en fait juste pompait l'énergie des gens pour je sais pas en fait il voulait être le meilleur acteur du monde et il pompait l'énergie des gens pour faire genre il était ou cambrioler non mais acteurs. cambrioler des banques ce genre de truc pour se faire passer Leur physiquement ouais voilà c'est ça comme un caméléon presque. Ok, d'accord. Et du coup mais il obtient aussi leurs compétences intellectuelles. Mais alors est-ce que les personnes meurent ou pas? Ça vient des zombies. Non, parce que si on a envie que notre personnage devienne un héros, il faut qu'il utilise son pouvoir. Donc en fait, je pense que ça les met juste dans un état végétatif et peut-être que genre. Un peu, et comme ça peut faire des scènes comiques où genre ils s'endorment, tu vois, genre. Ouais, voilà. Non, en vrai. Du coup, il faudrait qu'ils leur rendent après leur. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien pour justement un peu le daddy issue, genre en mode qu'il y ait un truc de rituel et qu'en fait donc ça s'est transmis de génération en génération parce qu'il le voulait. Et en fait, lui, il s'entendait pas avec son père et du coup, il a fait en sorte de pas être là au moment du rituel et du coup, c'est pas lui qui l'a eu, c'est une personne mal intentionnée et d'accord. Qui du coup, en fait, qui a détruit toute l'image qu'avait construit justement ces personnes-là de bonne veillante. Et en fait, lui, la tâche lui est incombée malgré lui de rétablir cette bonne image. Ouais. Donc au début, il reprend un peu son struggle de non mais de base, j'avais dit que je le voulais pas. Donc même si maintenant j'ai le pouvoir, j'ai pas envie de devenir un super-héros. J'avais dit non. Sauf qu'à un moment, il se retrouve confronté à une situation qui fait que il doit l'utiliser. Il a pas le choix. Il se fait braquer at good. Enfin, il a un gun sur lui. Genre, un braquage, on parlait d'un braquage. Il est malencontreusement dans un braquage. Et le gars, il dit. Enfin, il le menace et tout. Ou alors c'est un gène. Ça se transmet pas, mais c'est un gène. Genre, ça se transmet, mais pas la mort de quelqu'un. C'est un gène. Ça se déclenche quand il est en danger de mort. Genre avec l'adrénaline. Ouais. Ah, pas mal. Un peu comme. Au début, en tout cas, avant qu'il maîtrise ses pouvoirs. Ouais, putain, c'est comme les loups-garous dans. Attends, dans quel film? Il y a dans un film où ça se déclenche. À la, en gros, genre. Non, à la première fois où tu. Je crois que. Non, Sinwal, je crois. Mais où en fait. Non, je me trompe. Non, il y a un film où en fait, ça se déclenche, je crois, quand tu tues quelqu'un pour la première fois. Dans Vampire Diaries. T'as le gène en gros du loup-garou, mais ça se déclenche quand tu tues quelqu'un. Oui, mais c'est que le fait d'avoir le gène fait que tu as tu as une sorte de violence en toi qui fait que tu peux vite perdre la tête et du coup en fait comme si le gène te poussait à être violent et à tuer quelqu'un pour en fait se déclencher. Et bon, super ref, mais du coup ça pourrait être un truc comme ça où en fait tu portes le gène en toi vu que t'es descendant de ce bout là. Mais en fait du coup genre il a un frère par exemple qui est là et qui en a fait très mauvais usage. Lui, il a le gène et il a pas envie de le déclencher et du coup en fait il vit un peu reclus et à un moment il se retrouve dans une situation où du coup il le déclenche quoi. Est-ce que genre ils le savent pas que ça se déclenche, ils pensent que c'est héréditaire, tu vois? Parce que ça se déclenche. En fait, c'est un peu comme dans le corps humain, je sais pas, quand ton corps il fait une réaction allergique, on va dire, t'as l'adrénaline qui s'active pour que ton cœur il continue à battre et tout, parce que sinon il est en train de s'arrêter. Mais là, c'est un peu pareil, genre l'adrénaline ça déclenche et du coup ça déclenche un truc, et là ça déclenche son pouvoir. Mais son frère, lui, il a eu un entraînement pour le contrôler, tu vois. Mais que lui, non. Et lui, il a dit, bah non, je le veux pas, tu vois, l'entraînement, foutez-moi la paix. Et du coup, il pense qu'il l'a vu, c'est impossible qu'il l'ait, tu vois, parce qu'il s'est pas entraîné. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est-à-dire que... alors, si effectivement c'est héréditaire, bah, ils ont tout intérêt à former toutes les personnes qui vont... Ouais. Donc du coup ça n'explique pas pourquoi juste le cadet, ah ouais, mais justement, et là il y a une sorte de bug, ils et en fait il y a que l'aîné, ils savent qu'ils peuvent l'avoir. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'aîné, et genre lui il n'a pas hérité du, il pense pendant toute sa vie qu'il n'a pas hérité du gène, et donc en fait il se déclenche du coup au moment ou à un certain moment, c'est ça, c'est ça. Ok. Et en fait du coup lui comme il a vécu sa live tranquillou bilou et il pensait qu'il allait pas la voir, et en fait finalement il l'a par un bug, et en fait du coup truc bug. Et en fait c'est pas le fils de machin, mais c'est le fils de machin, enfin c'est genre toujours un truc d'hérédité où en fait mon père c'est pas mon père et tout le temps, du coup ça peut, on peut grave faire un truc comme ça, et genre une scène un peu dramatique avec sa mère, genre en mode il y a toujours une ou mort, genre ouais. Lui il est ou tu sais un truc genre con, mais lui il est adopté, c'est un mec de, mais ses parents c'est pas les Stanislavski, genre il a été abandonné par les Stanislavski et genre il a grandi c'est dans ça. Une famille genre de Houston. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, les Stanislavski, ils en ont fait un usage un peu claqué. Et du coup, en fait, bah lui, il s'est jamais posé la question vu qu'il n'était pas censé l'avoir. Et à un moment, ça se déclenche et il se rend compte qu'il a ce pouvoir-là. Et il est filmé pendant que ça se déclenche et du coup, voilà. Il est médiatisé. Du coup, il est direct rattaché en mode oh là là, c'est le fils caché, c'est machin, c'est un méchant, nanana. Et du coup, bah au final, il veut faire profil bas et se cacher, tu vois, genre un peu comme Peter Parker au début. En fait, c'est le trope des super-héros, c'est qu'il va devoir cacher son identité. À travers celle des autres, plutôt qu'un masque. Voilà, et ça je trouve ça très intéressant, c'est un bon twist je trouve. Mm-hmm. Et du coup vu qu'il est médiatisé, est-ce que la famille Stanislavski essaie de prendre contact avec lui pour le... Ouais. Pour l'embarquer dans le rang c'est des méchants. Ça. Non, pas forcément dans le rang des méchants, mais ce qui pourrait être un... Est-ce que tu veux rejoindre la grande ordre des méchants? Non, et ce serait eux les méchants finalement. Oui, mais voilà, ce qui pourrait être un twist hyper typique justement des films de super-héros, c'est qu'en fait on le met dans un camp, dans un camp pour d'entraînement, tu vois, où en fait, genre, ils arrivent en mode, oh t'inquiète pas, on va tout prendre en charge, machin, je sais pas quoi, et finalement, en fait, ils servent des intérêts qui sont assez badant. Ouais, il se rend compte que c'est pas le bon truc. Et en fait, du coup, il décide de s'enfuir et il galère à s'enfuir. Et en fait, ça devient eux les vrais antagonistes, tu vois. Ouais, alors qu'au début, on sait pas trop qui. En fait, on pourrait présenter même. Le mec se bat contre lui-même et finalement, il finit par avoir un vrai antagoniste qui est ceux qui lui ont refilé cette merde, quoi. Ouais, et qui, pendant. Tu sais, ce serait bien un peu une scène un peu de retrouvailles, un peu émouvante, tu sais, en mode. Mais on cherche. Enfin, tu vois, genre. On cherche partout, pas du tout, mais. Tu sais, un peu. Évidemment, ils sont dans la même ville, sinon c'est pas drôle. La mère était enceinte, mais. Tu sais, genre la mère est tombée enceinte de quelqu'un que la famille voulait pas, genre un peu à la Roméo et Juliette, quand ça a été vu et revu. Classique. Et au final, bah, elle a caché en fait l'existence même de cet enfant. Ouais. Sauf qu'en fait, la mère est décédée, donc en fait, elle a jamais pu révéler son secret. Bah, c'est Aquaman, ça, en fait. Putain, Aquaman. Mais c'est un DC, elle connaît pas. Ben oui, ça n'existe pas. Ça. Très c'est vrai. Ouais, ouais. Très, bon, bah, très on peut changer film. Sinon. Hein. Ça... Non, c'est parfait. Moi j'aime bien. C'est bah après le truc de l'entraînement, ça fait un peu X-Men, tu vois, mais justement tu bah, retournes le truc en mode. Oui, mais t'as toujours tu sais la scène justement, tu sais, il finit par apprendre enfin il est déchiré parce qu'à la fois il y a une attache un peu en mode ouais, mais c'est ma famille, et au final tu sais un peu c'est une ma famille. C'est la famille, mais au et final en fait, c'est et il renie ceux qui l'ont élevé et en fait au profit justement de ses liens de sang et du coup de ses géniteurs et génitrices, et si elle a canné la mère, mais où en fait du coup il finit par se rendre compte que la véritable famille en fait c'est celle qu'on choisit, c'est celle qui nous a élevé dans les bonnes valeurs. Non, moi, Lise, tu parles pas beaucoup, mais tu as des refs. C'est genre avec incroyable. Des scènes d'action. Mais en plus, ça pourrait c'est être là génial. Pour, mettre le petit sel là sur le. Est-ce qu'avec le pouvoir qu'ils ont, est-ce qu'ils peuvent prendre l'apparence de la personne ou juste des capacités immatérielles? Les deux, peut-être. Parce qu'une scène où en mode, tu sais, avec plein de doubles, genre comme les Spider-Man, tu sais, genre en mode. Voilà. On a fait le même pour vous expliquer ce que ça reste un peu. On s'est pointé du doigt. En scène d'action, ça pourrait être. En mode, tu sais pas qui est qui. Et tout le monde échange les uns avec les autres, et même toi t'es perdu, ça peut faire des scènes d'action qui peuvent être super intéressantes. En fait, ils apprennent à reconnaître la vraie personne de quelqu'un qui l'imite, parce qu'il y a des tout petits trucs qui changent. Voilà, et qu'on voit dès le début du film, genre un tic physique, qui le fait depuis le début, mais qui sait qu'il n'est jamais mis en avant de manière explicite. Et justement, on pourrait utiliser le ou la meilleure amie du super-héros. parce que c'est toujours ça. Et en fait, il avait et où en fait, on prend l'apparence de ce meilleur ami ou de cette meilleure amie, et en fait, du coup, on lui fait faire des trucs qui sont pas. Oh, mais c'est bah c'est le principe. et où en fait, du coup, grâce, comme par exemple avec dans Harry Potter, le tic là du fils, c'est du mec qui fait tout le temps là, ouais. Et où en fait on se rend compte que du coup c'est pas Folœil mais c'est un autre bug, bah exactement le même principe, où en fait grâce grâce en fait à un tic qu'un méchant faisait, et ben il se rend compte que la personne en face de lui c'est pas sa meilleure amie, c'est une autre personne, enfin c'est un méchant, ou alors un tic de la meilleure amie ou du meilleur ami justement qui fait pas l'un ou l'autre, qui fait jamais, ouais, ouais, voilà, ouais, genre c'est marrant, tu finis pas tes phrases par ça on garde, ça on garde. Malaise. Je sais pas. Pourquoi tu chantes pas, pourquoi tu fais pas malaise. C'est comme le même principe, je crois que c'est Inglourious Basterds, où en fait genre ils se trompent en disant 3. Enfin tu sais, en faisant 3 avec les mains, c'est oui, ça au lieu de oui, genre putain, les Américains ils font ça et les en gros les Américains ils font 3 avec genre avec le pouce, majeur, index majeur, et les Allemands avec index majeur et annulaire. Annuaire. Et bah du coup un annuaire. Truc comme annuaire, ça, un truc un peu avec similaire. Avec l'annuaire, bam, tiens, 3. Ils sont obligés de sortir 3 bouquins. Mais du coup, ouais, voilà, c'est là où en fait généralement les gens vont se dire oh, putain, ils sont trop forts dans le scénario. Merci, déjà. Déjà, ça fait. Merci, ça fait plaisir. Tu sais, t'as toujours un moment où on porte l'attention sur un truc, elle a hyper insignifiant. Faut que ce soit subtil. Et oui, non, mais faut que ce soit subtil. Il y a un gros coup, plan dessus. Ça peut, par exemple, comment la personne boit son café. Non, mais comment la personne boit son café. Tu vois ce que quand je veux dire. Tu bois deux expressions. Ah, elle lève un doigt. Il y en a qui prennent la tasse et qui mettent le pouce, qui lèvent le pouce, ouais, qui boivent comme ça. Et quand. Mais les pouces en avant. Les pouces en arrière. Je sais pas comment ça marche. Éthique et tac. Mais du coup, on pourrait faire un truc comme ça, genre des habitudes alimentaires ou un truc comme ça, où en fait ils se retrouvent dans un endroit. Oui, justement, dans une scène de combat, ce serait pas évident. Donc je pense qu'un tic de langue ou genre un geste, tu sais, genre avec son pouce ou la mèche de cheveux. Dans la mesure où en fait ça pourrait justement être un endroit, parce qu'ils aiment bien détruire des endroits qu'ils aiment beaucoup. Et du coup, en fait, justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que comme tu te fais passer pour quelqu'un avec qui tu es à l'aise et avec qui tu es en confiance, justement dans un endroit où tu es aussi en confiance et pas forcément au sein d'une scène de combat, parce que généralement ton ou ta meilleure amie n'a pas de capacité. Ouais. Donc en fait, ce qui peut être c'est vrai. Tu connais pas mes potes. Non, mais du coup, super résistance à l'alcool. Non, mais tu vois, du coup, en fait, ouais. c'est là où ça peut être intéressant, c'est que du coup, t'es dans un endroit hyper où tu te sens safe avec une personne avec qui tu te sens safe, et en fait, tu te rends compte que la personne en face de toi n'est pas ton ou ta meilleure amie. Il faut faire genre que t'as pas capté. C'est ton en fait. Et tu dois, et justement, c'est là où en fait, comme il y a plein de monde autour de toi et que toi, t'as un bon fond, tu dis, il ne faut absolument pas déclencher un combat. Évidemment, un combat sera déclenché. Mais où en fait, du coup, toujours un truc comme ça où en fait l'endroit que tu fréquentes le plus, bah il est détruit à chaque fois quoi. On a déjà vu une scène là-bas et qui en fait symbolisait un peu vraiment l'amitié des deux quoi. C'est ça. Où on comprend qu'ils ont leurs habitudes parce que les serveurs les connaissent, tu sais, c'est des habitués, tu vois, ils ont de la tendresse pour eux. Vous voulez la même chose que d'habitude ? Oui. Ouais, un truc comme ça. Ouais, et justement avec tu sais un petit truc pas de regard mais enfin un petit peu. Pour citer les grandes refs, un peu dans Twilight. voilà. C'est du Scorsese. Je t'emmerde. Non, mais en gros, genre, par exemple, dans Twilight, quand ils vont au restaurant, enfin, le dîner dans lequel ils vont souvent déjeuner avec Charlie et Bella, et ben en gros, ils connaissent les gens et ils font en mode toujours la même chose, machin. Ouais. Et tu sais, petit clin d'œil, ils posent toujours des questions en mode vous avez des nouvelles par rapport à ça, ce genre de choses. Et du coup, là, on pourrait avoir une mort, parce qu'il faut toujours une mort quand même. Ouais, et que du coup, en fait, cette mort-là et la destruction même du lieu symboliseraient en fait la destruction de toute sa vie d'avant. Ouais. Qu'il voulait encore garder, tu vois, genre c'est-à-dire son lien avec sa famille, ses amis, etc. Du coup, ça créerait le basculement entre c'est j'accepte ça. Ma condition de super-héros. Mais en fait, ouais. c'est comme ça dans tous les. Enfin, je pense à Spider-Man, oui, quand il y a l'oncle Ben ou la tante May. Ouais, mais là en fait, il y a un truc trop tôt. Non, mais là, il y a un truc du coup qui peut pas trop fonctionner parce que, comme en fait, la personne face à toi, c'est ton meilleur ami qui n'est pas ton meilleur ami, mais qui normalement était du coup une personne de ta famille, enfin, ça arrive, enfin, le moment où il bascule, il a déjà fait le choix. Oui, de le faire. Donc ouais. En fait, ça peut pas être ce moment-là. Non, ouais. Mais c'est un moment du coup de point de non. En fait, ouais, il a fait son choix, mais il se dit tout. Je vais pouvoir retourner en arrière après, retourner à ma vie normale une fois que cette histoire sera finie. Et en fait, il comprend que c'est un point de non-retour. C'est ça. C'est un peu le truc de la cave là qu'il y a dans le. La bad cave. C'est une vraie question. Dans le truc du héros, dans le chemin du héros justement, il y a le moment de la. Platon. Ouais, mais il retourne dans la caverne en fait. Non mais de la cave où justement tu sais il y a grave ça aussi dans le Seigneur des Anneaux où la personne se rend compte un peu de sa vraie nature, il y a un peu tout ce travail de d'introspection un peu mais et justement moi je trouve que ce qui peut être intéressant c'est le moment où on voit vraiment que c'est le point de non-retour, c'est que on pense avoir eu une sorte de dénouement et c'est genre au milieu du film et en fait on se rend compte que finalement il s'est quand même fait avoir et... est méchante. Non c'est pas ça, il s'est déjà échappé on va dire de là où sa famille se trouvait, il a galéré à s'enfuir et là en fait il se retrouve genre en pensant être ça y est et tout j'en ai fini avec ça, soit j'utilise plus mon pouvoir soit j'utilise à des fins positives et en fait t'as l'impression que t'as pas d'échappatoire et qu'en fait comme ils ont tous ce pouvoir là il sera jamais totalement sûr en fait genre c'est là où il va y avoir à mon avis un basculement plus interne et il va y avoir un gros développement, c'est que peu importe où je me trouve je ne suis jamais vraiment en sécurité même face à des personnes qui me semblaient être safe. Et du coup, là, ça peut être. Et qui, du coup, il s'isole, entre guillemets. Et c'est là où ça part totalement en couille, à mon avis, dans le film-là. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, lui, il a le malheur, en fait, en plus de ne pas pouvoir maîtriser ses capacités. Ouais. Et il se rend compte, justement, qu'en fait, pour vaincre, il doit être seul. Et c'est exactement ce qui se passait dans le dernier Spider-Man. Toute la scène d'introspection de la cave, c'est juste après la mort de Aunt May, où il voit, en fait, son portrait, justement, sur les buildings. Donc, ça lui renvoie une image de lui-même qu'il ne pense pas être. Donc, voilà. T'as tout ce moment un peu d'introspection où, justement, il se retrouve face à quelque chose qui lui est connu, donc le café où il est avec sa meilleure amie, il se retrouve face à elle, donc un visage connu, et il se rend compte finalement que tout le monde qui s'était construit maintenant n'existe plus, et donc il se dit là je mets en danger des gens que j'aime, donc si je veux réussir, il faut que je me mette moi seul en danger, donc il s'isole, sauf que forcément c'est jamais la bonne manière de réussir dans les... C'est ça, de la richesse, c'est l'amitié. Mais parce que justement, comme il décide en fait de totalement s'éloigner, il va y avoir la part de culpabilité de « je mets des gens dans la merde en n'étant pas là ». Et en fait, comme si le fait d'avoir maintenant ce pouvoir-là et de se rendre compte qu'il l'a et qu'il peut l'utiliser, et ben en fait, ça lui donne une forme de responsabilité. C'est Spider-Man qui dit dans la version de Tom Holland, dit « quand t'as des pouvoirs… »« Great power comes great responsibility ». Non mais il dit une autre manière de le dire, c'est genre quand tu peux faire ce que je peux faire… s'il se passe un truc pas bien et que tu agis pas, c'est ta faute. Ouais. Mais il le dit dans Civil War. Le silence face à l'oppresseur est un acte de machin et tout. C'est une citation grave connue. J'ai pas non plus. Genre, c'est sois pas méchant. Non, c'est en gros, c'est face à méchant, c'est mal. Face à une situation un peu où il y a un méchant et un gentil, si tu décides de pas prendre parti, en fait, alors, tu prends le parti de l'oppresseur. Ouais. C'est ça. Et du coup, genre, c'est là où en fait il va y avoir le vrai basculement, c'est que à la fois sa première réaction quand il a l'impression que lui il est jamais en sécurité, c'est de décider du coup en fait de lui se mettre en sécurité, sauf que se mettre en sécurité c'est aussi mettre en insécurité les autres. Mmh. Et du coup comme lui il a été suffisamment à l'intérieur de cette bulle là, il fait qu'il connaît les rouages un petit peu. Et ben en fait le fait de savoir et le fait de ne rien faire ou en tout cas de se protéger, c'est de mettre en danger les autres, et c'est là où en fait tu vas avoir le moment où il devient le héros, en tout cas pour le spectateur. C'est finalement mais il faut justement la scène un peu genre magistrale avec, tu sais, genre tonitruante, la musique martiale et tout, où genre il prend une pause et genre tu sais, il regarde vers l'avenir. Ça se fait vachement dans les films de super-héros, il est en haut d'un building, il regarde son secret spot, tu vois. Là il regarde et il fait en mode genre, il bombe le torse, tu vois, avec un petit slow motion sur les cheveux au vent. Et genre là d'un coup il plonge dans, enfin tu sais, genre il fait un truc de ouf, tu vois, genre bim, et après tu rentres dans l'action. Mais avant ça t'as quand même cette scène genre hyper un peu en mode c'est bon, c'est moi. Je suis au centre du film, j'accepte ma condition, je suis un super-héros, et allez, on va les niquer les gens, quoi. C'est vraiment genre, je suis au centre du film. Non, mais et au centre du monde aussi. Non mais c'est ça, c'est comme si en fait... Je suis le centre du monde. Non mais c'est un petit peu comme si le sort de l'univers, le sort de la société lui appartenait, alors qu'en soi c'est pas si vrai, mais en l'état, comme les méchants et les personnes qui peuvent être un danger pour la société, c'est des membres de sa famille et qui l'a côtoyé, là c'est à ce moment-là où il se dit, en fait j'ai le sort de la société entre mes mains et je ne peux pas rien faire. Et justement moi je pense qu'on peut faire un truc hyper épique, comme tu le disais. Faut qu'il se fasse expliquer ça. Comment ? Faut que ce soit un personnage externe qui le lui dise. Comme l'équivalent de son tante May. Comme une sorte de... pas un précepteur, mais enfin une figure... J'ai une idée. Ce serait bien qu'une personne de la famille, qui est méchante foncièrement, que soit pas... Tu sais, que ce soit un peu... Un suiveur. Qui soit un peu en mode, au final, au moment le propice ou en mode c'est soit on gagne, soit on perd, une forme de rédemption à un des personnages qui est finalement... Qui à la base est méchant, quoi. Et qui, en fait, bascule... qui bascule et qui en fait prend le parti du coup de Stan et qui permet du coup à Stan de gagner, mais tout en trahissant lui-même sa propre famille, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça. Ouais, et puis ça pourrait faire un moment genre vraiment pour le coup hyper épique, violon à mort et tout. Franchement non, si ça peut. Non mais enfin, faut penser aussi à ça, oui, voilà. Écrire un scénario efficace et dans les scénarios on veut faire des entrées, je te rappelle. Hein. Bah oui, non mais on veut faire des entrées, bah, mais ouais. Le truc c'est que quand t'écris un film, tu l'écris aussi pour des spectateurs, pour qu'ils soient vus, et je pense que ce qui va le plus en fait te mettre un peu une dalle dans le ventre, c'est oh, il a fait ça et genre il a pris le bon choix, et en fait même si tu le savais, le fait qu'il le fasse et que on te le mette genre dans un truc hyper épique où en fait bah comme tu disais, moi j'aime bien l'image de il est tout en haut d'un truc genre secret spot et qu'en fait il décide genre bah de sauter. Après le truc c'est qu'il a pas cette capacité là mais ça peut être parce que on peut pas faire tu sais le coup de Endgame où en fait ils arrivent tous d'un coup, tu vois, non, c'est pas possible. Parce que bah il est seul, mais du coup genre ouais, en tout cas faire essayer là, faudrait qu'on essaie de trouver une scène où il peut faire ça, il transforme vu qu'il prend l'apparence des gens, etc. On peut faire en sorte que lui de quelqu'un en particulier. Non mais justement on peut faire en sorte que, enfin il y a un peu un truc mystique où au lieu de prendre l'apparence des gens, c'est les gens qui prennent son, enfin ils contrôlent les gens et du coup ça fait un genre en mode il va upgrade un petit peu, il développe un en plein pendant un combat, genre ça pourrait être sympa ça, et aussi le fait que justement il y a un de ses cousins, une de ses cousines qui rejoignent justement le côté lumineux de la force. Hein, toujours Star Wars, non ? J'ai pas changé. Et ben, ouais, c'est bah justement, ça montrerait un peu, bah, ça closerait un peu l'arc narratif comme quoi bah, il faut être seul pour réussir et pas mettre en danger ceux qu'on aime. Mais des fois, bah, justement, là, c'est un peu en mode, bah, là, il a pu vaincre parce qu'il avait quelqu'un, tu vois. Mais, et puis surtout, ça pourrait permettre de faire une scène qui existe tout le temps dans les films de super-héros où en fait, tu sais, t'en découvres encore plus et t'as un secret. Et genre, l'accès au secret. Et du coup, et le moment, justement, c'est que t'as le moment d'entraînement mais avec des gens qui sont un peu des bad guys, et là du coup le moment où lui il va s'entraîner à maîtriser justement ce pouvoir là et la botte secrète, et la botte secrète c'est toujours le truc, le twist ultime dans la scène du combat final où en fait oh, putain il a réussi à maîtriser ça, où en fait justement comme des pantins. Et mais je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait qu'on développe si on a envie de faire un film qui est aussi intéressant mais novateur et pas juste en mode avec que des tropes, mais le fait justement de devenir d'autres personnes, c'est se déposséder aussi de genre qui je suis et qu'est-ce que je deviens, vu qu'en fait je deviens d'autres personnes et que j'ai des capacités en étant quelqu'un d'autre. Moi, à part cette capacité là, j'en ai pas, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, en tant que personne, genre la personne que, dans le corps dans lequel je suis née, il faut qu'à la fin du film il ait développé mais justement, son truc, voilà. Et comme en fait le fait de pouvoir maîtriser plusieurs corps différents, et bah à mon avis ça pourrait être son truc à lui qui fait qu'il a sa personnalité, sa profondeur, et qu'il ne soit pas juste une personne qui se dépossède finalement de son identité en prenant celle des autres, tu vois. Ça devient un influenceur au final. Parce que en fait on a après un TikTok, après j'ai créé un compte Instagram. Ce qui serait amusant, c'est que bah justement, en fait, on n'a pas trop parlé justement aussi du contexte de l'environnement dans lequel évoluait le super-héros, mais en fait, ce qui serait cool, c'est qu'il y ait des grandes familles de super-héros. Ah, comme des super méchants. Enfin, pas comme des factions, mais genre des clans. Mais tu sais que pas tout le monde. Et les Uzumaki. Mais tu sais que ce ne soit pas tout le monde, mais que justement, il y a un peu des familles que tout le monde connaît plus ou moins, qui viennent de différents pays, etc., qui ont reçu par un événement rapide et facile à expliquer. Météorite. Voilà, des pouvoirs. Très rapide. Et justement que en fait l'identité de sa mère on la connaît, elle appartient du coup au Stanislavski. Ouais. Mais que justement le plot c'est twist. Et que le plot twist, tu sais, un peu encore à la fois à la Roméo et à Juliette, de clans opposés, et du coup ce serait un plot twist pour la fin du film. Ce serait le fils de Roméo et Juliette. Et du coup ça pourrait être ça la révélation du secret, plutôt qu'une rédemption d'un des méchants. Ce serait simplement il découvre sa véritable identité, en tout cas qui est son père, et en fait il finit par se rallier à un clan qui finalement est autant ancien que l'autre, que celui des Stanislavski, après qu'il soit annihilé justement à la fin du... C'est ça. Et en fait du coup il découvrirait son autre capacité, et comme en fait c'est une sorte de métissage de clans de super-héros, enfin de clans de personnes supernaturelles, il pourrait justement débloquer, et c'est là qu'il fait, de toute manière dans ces films-là, ou en tout cas, on a parlé pas mal justement de manga, et c'est souvent des shonen qu'on a ramené sur le truc, il y a toujours ce côté genre, t'es unique parce que t'es un mélange de deux choses différentes, et que à la fois t'as le fait que tu sois lambda, mais en fait finalement tu n'es pas lambda, t'es encore mieux que les autres. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait, aussi une révélation finale qui serait possible, genre soit dans le 1, soit dans le 2, parce que moi je pense déjà à la suite, tu vois, les thunes. Mais justement, comment en fait sa mère est morte. En fait, pendant tout le temps, on lui fait croire que sa mère en fait n'a pas pu supporter d'abandonner son enfant. Et dans le 2, en fait, elle est vivante. Toujours. Soit dans le 2, elle est vivante, soit en fait, ils se rendent compte c'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué, tu vois. Et ouais, que elle est pas morte toute seule. Ouais. Et que en fait, ou alors son père est en vie et que il parle du coup, comme le clan Stanislavski a été un peu annihilé ou en prison, mmh. et ben maintenant en fait son but ça va être de retrouver du coup la famille de son daron, genre typiquement les Gardiens de la Galaxie 2. Mmh. Oui. Typiquement. Parce que je pense daron que tout calé. Un gros con. Oui. Allez. Boum. Non. Au-delà de ça, enfin, je trouve que c'est. Je peux mettre un point de montage pour biper si tu veux. Oui. Ok, c'est bon. Noté. Et du coup, ouais, en pensant aux deux, bah, c'est aussi le, c'est finalement pas exactement le plot de Dragon 2, mais c'est, enfin, il retrouve sa mère. Oui, il c'est pense ça. Que sa mère était morte et en fait, ah, oui, il se rend compte que non et il retrouve sa mère. Mais totalement par hasard, mais comme une sorte de MacGuffin, genre, enfin, ouais, c'est un peu la même, genre. En fait, ce qui est bien, c'est que on remobilise en fait plusieurs codes qui appartiennent à plusieurs univers. Donc en fait, on reprend pas juste exactement genre le scénar de Spider-Man, mais on change juste les noms et les personnages. C'est ça qui est bien, c'est qu'on prend plusieurs tropes. J'aime bien cet aspect collage. Ouais. C'est pour patchwork. Ouais, exactement. Ah, j'avais une idée pour le moment où petit genre retour en arrière, mais le moment où il se rend compte que sa meilleure pote c'est pas sa meilleure pote. Ça pourrait être une rêve, justement, un film, genre une réplique, et en fait, elle la capte pas, alors que c'est genre leur réplique ultime. Ouais. Ou alors elle met un tout petit peu de temps à la capter, parce que vu qu'il a sa mémoire, tu vois, mais est-ce qu'on peut mettre une référence de Star Wars ? Vous êtes notre seul espoir. Je connais le dialogue de Princesse Leia Parker, et c'est ce qu'elle fait. Elle dit que ça ? Non, moi j'ai un dialogue derrière. Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Ouais, mais ou alors. Et lui, il fait OK. Non mais ouais, c'est genre vrai. La personne capte pas du tout la ref et du coup là il se dit, et là genre t'as un moment et toi genre c'est le moment où le spectateur genre son sang se glace en mode oh putain et oh, il shit. Comprend en même temps et là tu vois que le mec il comprend et que du coup là d'un coup bam point de suspense genre t'appuies dessus et justement avec le un moment... petit slow-mo genre ouais non mais c'est genre, l'impression faciale son œil qui va très très vite en comment ça s'appelle en slow-mo justement ouais. Genre tu vois son regard qui fait comme ça mais du coup c'est très lent Et à la fois, en même temps, le méchant capte qu'il a compris, quoi. Et ouais. Alors là, il y a un peu cette scène de tension. Ouais. Attention, ouais. Qui va attaquer... Tu sais, genre, qui va attaquer le bon, la brute et le truand. C'est ça, c'est le... Oui, le... Qui va attaquer en premier, quoi. T'as les mains dans les... Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment qui va dégainer le plus vite, quoi. Question, il a quel âge, le héros ? Ouais. Ah, putain. Non, parce que c'est toujours ancré dans des villes en particulier. Faudrait qu'on en trouve. Ouais, spatialement, ouais. Seattle. Ouais, il n'y a pas de héros à Seattle, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe à Seattle ? Il y a Twilight, il y a les voyages, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas une très bonne rêve. C'est pas une très bonne. Non, mais le Texas, genre, je vois bien. Le Texas. En vrai, je suis pas. Non, en fait, faudrait un truc où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. New York. Bah, non, on a déjà Spider-Man. Ouais, on a déjà Spider-Man. Ouais, déjà très connoté. Los Angeles. Los Angeles. Il y a pas Tony Stark là-bas ? Non. Oui, mais en fait, si, mais je trouve que l'endroit ne joue pas dans le. La tour Stark, elle est pas à Los Angeles ? Non, en plus, elle est à New York. Ouais, elle est à New York ? Ouais. Bah, à Los Angeles. Oui, mais son appart, sa maison, elle est sur les hauteurs de LA. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'endroit emblématique pour moi de Tony Stark, c'est la tour Stark. New York. Ouais. Mais. Et puis, Los Angeles, moi, je trouve ça pas forcément très intéressant comme lieu. San Francisco ? Après, après, ce qui peut être intéressant, San Francisco, y a Charmed. Non, mais ce qui peut être intéressant avec Los Angeles, c'est que du coup, on pourrait faire des scènes de ouf dans des studios. Ah, en mode, tu penses au tournage là, par en mode, attends, ça peut être un étudiant. Visuellement. Un étudiant qui veut devenir acteur un peu et qui essaye d'avoir des petits rôles et tout. Dans des films de super-héros. Bah non, parce que la première scène du film, c'est genre un faux truc de super-héros, justement un film de super-héros. Ouais, je pense que c'est vrai, en fait, c'est pas vrai. Ok. Ah si, ça peut être trop ça peut chouette, être ma... ça. Mais du coup, ça serait très bien d'avoir un truc. Ça fait un méga twist comme celui sur lequel j'ai beaucoup de réserves, mais l'autre Suicide Squad qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ah, je l'aime bien. Ouais. J'ai juste un peu des réserves dessus, mais c'est vrai qu'au moins, il permet d'oublier le naufrage du premier. Mais où en fait, tu commences avec un film et tu te rends compte qu'il se termine en deux secondes et tu te dis « Ah putain, c'était pas ça le film. » Et ça, moi, je trouve ça intéressant. C'est une très bonne idée. Mais on pourrait faire un truc comme ça, mais en plus rapide. Mais pas avec les super-héros, parce que ça veut dire qu'au moment où il a ses pouvoirs, il a déjà accepté. Alors que depuis le début, on dit non, il veut pas les pouvoirs, justement. C'est ça. Et du coup, il aurait un autre truc. Mais justement, en fait, ça correspondrait un peu à l'environnement où il y a plusieurs familles de super-héros, où les super-héros font partie du paysage médiatique et social. Et justement, en fait, comme ce serait un beau parallèle, c'est que justement, tu le vois avec un costume genre grotesque à l'écran. C'est avec une pub, en fait. À la Philippe Lachaud. Genre vraiment un truc méga grotesque, hyper genre gros traits tirés, en mode on s'en bat les couilles de la subtilité. Et genre après, tu le vois genre en mode, il joue le super-héros, genre trop beau, genre en mode... comme ça avec le sourire. Puis après il y a le pack shot des céréales. Exactement. Et en fait tu le vois après genre en mode. Non mais là t'entends un gros cut et puis voilà genre, et là tu dis oh putain ok mais genre vraiment une et scène son sourire s'efface tout ça. Mis à la fois tu vois genre tu vas voir le truc de en vrai c'est enfin tu commences directement par une scène de combat genre à la fois tu dis il y a un truc qui cloche mais en même temps c'est hyper divertissant que du coup tu comprends pas trop et genre là bim cut et en fait c'était ça. Et en fait le cut le gars il a rien à voir avec le film. Il est à côté, genre il sert le café ou genre. Ouais, voilà. Il s'en fout complètement. Quoi. C'est ça. Mais en fait, justement, on pourrait disséminer, genre dans cette scène de combat, genre comme on peut dire que c'est un film, un pas, mais genre avec pas trop de budget, mais un petit peu comme, je sais pas si vous voyez dans Thor 3. Où il y a une dans Ragnarok où en fait Loki a une pièce de théâtre voilà bah bon après nous on sait parce qu'on connaît les personnages mais un truc un peu comme ça où en fait genre il y a un truc qui n'a rien à voir et qui entre dans le champ et là tu dis genre un premier truc qui entre dans le champ puis un deuxième truc et tu dis il y a ça dans Hawkeye aussi. Ah ouais, genre il y a une comédie musicale sur les Avengers. Évidemment. Ouais, non mais c'est vraiment la scène est vraiment Hawkeye, très bonne série si vous l'avez pas vue. C'est drôle ou pas? Enfin, franchement, la scène est drôle ou la scène est très drôle. Okay. Enfin, vraiment c'est à mourir de rire parce qu'il y a eu vraiment eu une comédie musicale Avengers aux États-Unis. C'est pas étonnant. Donc voilà, et en fait lui il a le seum parce qu'en fait il monte Natasha et c'est justement juste après Endgame et honnêtement vraiment Hawkeye, j'aime pas du tout le personnage de base, j'aime pas Jeremy Renner. Et en fait, la série avec Hailee Steinfeld, elle est très bien, je trouve. Pour moi, c'est après WandaVision, c'est la meilleure série Disney. Hein. Qui pourrait être cool. Et moi, en fait, ça m'a fait penser surtout à un épisode de série. Je vais reprendre toujours toutes mes refs, mais Buffy contre les vampires, il y a un épisode de série sur la comédie musicale où en fait, on voit un épisode comédie musicale et on se dit ah putain, genre ils ont juste tenté un truc. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un enchantement et toute la ville de Sunnydale dans Buffy contre les vampires se met à chanter en permanence dès qu'il se passe quelque chose, comme dans une comédie musicale. Et c'est là où en fait, les gens se rendent compte qu'ils chantent et ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, ils disent putain, en fait, on est dans une comédie musicale et c'est un démon en fait qui kiffe les comédies musicales, qui est très chelou, mais qui décide du coup en fait de non mais oui mais et je pense que ça peut être un truc un petit peu sur la même idée où en fait au début c'est un truc de super héros et comme tu t'attends à voir un film de super héros tu dis oh putain trop marrant mais t'es directement dans un combat et en fait stress, c'est finalement. Ça non mais clairement et en fait là tu vois genre des trucs, c'est pas de l'anachronisme, mais tu sais, des trucs qui n'ont rien à voir, entrer dans le champ et tu dis wesh. Et là, du coup, en fait, c'est ça tu dis, je suis le seul à avoir vu ça, vas-y, peut-être faux raccord, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, finalement, c'est pas un faux raccord, c'est juste un film. C'est un film dans le film. Voilà. Ouais, je trouve ça bien. Parce qu'ils adorent les trucs méta de plus en plus. Mais, de toute façon, et j'aime bien qu'on ait fait la scène d'ouverture après avoir écrit le film. Tu sais que c'est souvent comme ça en fait. Oui, c'est tu penses à la fin. Ah, oui, tu fais A, B, A. Ouais, c'est un peu un brouillon, tu vois. Genre, tu brainstorm, mais après tu dis ah ouais, mais non, mais c'est pas cohérent par rapport à ce qu'on a fait ensuite, donc tu reviens dessus. Bah, c'est normal. Moi, je trouve ça cool en fait. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu faire ça pour les. Ouais. C'est comme rédiger l'introduction après avoir fait la conclusion, quoi. C'est exactement ça. C'est quotidien. Mais par contre, comment s'appelle notre. Ah, Stan, c'est vrai. Il s'appelle Stan. Ouais, mais Stan. Du coup, ce serait Super Stan. Non, ouais, non. Stan juste. Stan. Ça me fait l'acteur. Non, le SS, c'est pas ouf. Hein. Non. Bon, Goldwyn, allez. Super héros malgré moi. L'acteur, ce serait Sébastien Stan. Oh là là. Non, mais non, du coup, on a dit qu'il était assez jeune. C'est un jeune acteur. Ouais, pardon. Mais jeune. Moi, je dirais genre 21, non. Non, ouais, c'est souvent un gamin parce que tu sais, il y a toujours un côté transmission, il y a et toujours un côté apprentissage, maturité et tout, et contrainte d'accéder à une maturité genre rapidement. Bah, voilà. Mais aussi un peu les trucs de. Mais c'est souvent ça. Hein. Oui. Je sais plus comment ça se dit, il y a un terme exactement, mais tu sais, que, par exemple, les Harry Potter où tu grandis avec les personnages, c'est des films de. Pas d'anticipation, mais de. Ah non, c'est oula, pas anticipation, non. Non, c'est pas anticipation, c'est non, mais il y a un truc, justement, les films ou les trucs comme ça, ou les sagas, les franchises où tu grandis avec les personnages. En même temps, bah, comme Lou, par exemple. Ouais. C'est un c'est exactement ça. C'est mais ça. J'ai pas, je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas le mot. Je vais le rechercher sur Internet. D'émancipation, je crois, c'est ça. Émancipation, film 2022 avec Will Smith. Donc non, c'est pas non, ça. Non, mais fou, on trouve. Non, on trouvera pas. Mais je sais quoi, il y a un terme. Ouais. Il y a toujours un terme. C'est chiant. En fait, ça m'énerve, je suis le genre de personne, si j'ai pas trouvé le mot, ça m'obsède jusqu'à ce que je le trouve. Ouais. Ouais, je bloquais de ouf. En tout cas, contraint à la maturité, et ça pourrait être chouette de trouver ce personnage-là, et qui nous manque à mon avis pour que notre scénario vraiment il soit béton. C'est vraiment genre, pas du coup la meilleure amie, mais le mentor. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la sagesse, elle devait venir de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il pouvait pas l'avoir tout seul parce que sinon ça veut dire qu'il est très fort. Le mentor, après, le sage à la Dumbledore. Ouais, mais le truc c'est que non, le ça mentor peut être le barista, tu vois. Un grand barista. Celui qui écoute, ouais, ouais, celui qui écoute tes problèmes et qui c'est ça. En plus, surtout si c'est des habitués au café, tu vois. Carrément. Il lui dit une phrase banale de philosophie de comptoir et puis lui il l'interprète comme un super-héros. Mais c'est souvent des phrases hyper bateau, mais tu sais, qui deviennent après hyper. Qui deviennent vraies parce que le scénario veut qu'elles soient vraies. Oui, c'est ça. Comme non, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est clairement ça. Ouais, mais parce qu'en plus il y a un truc avec cette phrase là qui fait qu'en plus tu sais ce qui va se passer après la plupart du temps. Oui. Voilà. Chouinon. Mais. Avant ça, il a dit regarde bien les deux côtés avant de traverser. Donc, Non, mais tu vois, c'est souvent une phrase qui est reprise et tu sais, qui a un côté très fanservice, mais qui peut être hyper intéressante parce que tu vas à un moment dans un combat, il va la réentendre et tu sais, genre en mode machin qui est mort, en plus, souvent il crève. Mais du coup, ouais, tu sais, genre cette phrase-là qui va vraiment venir résonner dans l'esprit du héros, et du coup, tu vas vraiment la mettre en avant, et ça va être un peu, tu sais, genre le credo du film, tu vois, comme la morale. Et je pense que ça peut être hyper intéressant d'en trouver une, et qui serait prononcée par du coup une figure de mentor. Ouais. Ce sera. Il faut pas laisser les gens dans la merde. Des frites, des frites, des frites. Vraiment, les méchants, c'est vraiment pas bien. Parce qu'il est évidemment québécois, on est pas loin du oui, c'est la Canada. Version, c'est la version VF. VF québécoise. Et on le voit en streaming ici, on n'a pas la thune. Streaming illégal en plus. Hein. Oui. Ah oui. Sinon, coup, on n'aurait pas la version québécoise. Hein. Bah oui, parce que tu l'as deux semaines avant. Donc elle sort deux semaines avant. Mais moi j'aime bien l'idée du barista parce qu'on avait cette scène là où en fait on détruisait non, tout le la café. Vie c'est comme la vie c'est comme le café Il faudrait trouver un truc parce que ce sera un film ce qui fera la vie du café de toute manière, une boîte de chocolat non. Mais voilà, tu vois, c'est que chaque film a soit sa chanson, soit son film, enfin tu vois, genre sa rêve, soit sa citation. Après, pour notre défense, je pense qu'ils ont des années de production derrière nous, on a 1h40 c'est vrai, pour trouver une phrase choc là. Grâce à des années de production, nous du coup on a accès à, tu sais, genre des tropes, c'est des trucs, on sait qu'il faut qu'on le mette, tu vois, genre on si les ingrédients, il faut juste qu'on mette un nom sur ces ingrédients. Enfin, genre, on a les ingrédients, il faut juste qu'on les mette. Par exemple, dans The Sees Us, c'est quand When Life Gives You Lemon, make lemonade. Ouais. Et, genre et ça... lui sert de la limonade, oui. Donc c'est un barista. Alors ça, du coup, c'est dans The Sees Us, donc il y a déjà des copyrights, je pense. Mais C'est dans plein de... Quand ton café est loupé, genre, tu peux toujours refaire ou un truc comme ça, tu vois. Genre, La vie, c'est comme le café au début, c'est dégueu, après ça passe. Ouais, non, mais si, ça peut. On pourrait trouver un truc comme ça. Mais un truc un peu drôle, parce que. Sur la maturité, on dit toujours que le café, tu finis par l'aimer en grandissant, tu vois. Genre, on peut trouver un truc à la con comme ça, genre. Et là, il goûte le café, il dit. C'est vrai que j'avais jamais goûté, mais c'est vraiment. Et à la fin, la scène de fin, il boit du café d'une traite et il fait pas. On peut dire que genre il essaye de prendre du café parce qu'il veut se sentir un peu grand, et à chaque fois il fait une tête, genre une petite moue, genre. Et en fait, à la fin, il boit d'une traite son café, il se casse, et genre il y a pas eu de. Et en mode, ok, il a eu accès à la maturité, par le café. Il a le barista, il le regarde, il fait. Mais non, il est mort. Justement, la ref. Petit hochement de tête, genre, ouais. Et justement, la ref qu'il a avec sa pote ou son pote, justement, ce serait peut-être autour du café, en mode, elle le boit genre d'une traite. Ouais, ah oui. Et lui, la personne qui et lui, il prend arrive l'apparence... Pas. Non, mais tu sais, genre, fais une petite moue. Ouais, ou l'inverse. Ou l'inverse, ne fais pas de petite moue. Et là, ça pourrait être ça. Enfin, bref, ouais, mais... Ouais. Un peu comme le coup du cigare en attendant Bojangles. Voilà. Ah oui, putain. Ou en fait, c'est un truc hyper anodin, où en fait, il dit... et à la fin, il... C'est une des toutes dernières scènes, ouais. Pardon. Mais non, mais t'as pas dit de nom, t'as rien dit. Ouais, voilà. Mais oui, enfin, quand tu vois le film et que tu vois un mec qui dit, tu sais, ah bah. Il faut aller voir le film. Mais oui, allez voir le film. En tout cas, il est encore en salle. Si vous voulez pleurer, allez le voir. Bah, moi, j'ai regardé en attendant BoJack Horseman. C'était. Il fallait la faire. Bah oui. J'ai pas trop compris pourquoi le cigare, il le fumait par le museau, mais. Ça avait plus d'effet comme ça, peut-être. Un titre maintenant. Ah oui, il faudrait un titre. Bah moi j'aime bien Stan, mais surtout parce que je trouve rien d'autre. Non, ça fait un peu truc d'enfant. Genre. Ça fait Sam. Ouais, je suis d'accord. En bah, c'est un super héros, Sam. Je suis désolé. Non, il faudrait un truc, genre pas avec super, mais genre. Tu sais, genre par exemple, Captain Steve Rogers, c'est par son titre, genre Captain America. Ouais, mais souvent, de toute manière. Bah, c'est le nom de super héros. Il faut toujours le nom. En fait, le nom de notre super héros, ce sera le nom du film de toute manière, et on n'a pas trop le choix. Mais par contre, le sous-titre du film, là, on pourra faire une blague. La naissance d'un empire. Comme 300. Allez. Birth of a Nation. Non, moi, pas ouf la rêve. Je faisais référence à 302, pas à ce film. 302 Bah, enfin, la suite de 3 à 5, quoi. Ils sont deux de plus, ils en ont retrouvé. Naissance d'une nation, c'est peut-être pour recontextualiser, ah oui, c'est non, un film de Griffith qui très long et très réac, quoi. Voilà. C'est même pas réac à ce niveau-là, mais c'est nazi. Le sous-titre a de l'humour si le film a de l'humour, genre par exemple les Home avec Spider-Man, genre No Way Home, Far From Home, Homecoming, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Spider-Man et que ça fait sens. Ouais. Mais tu vois, genre Into the Dark, genre Thor the Dark World, pardon, mais Thor Coming Home. Tom, go back. Thor Homeless surtout. Oui, maintenant oui. Mais ouais, par exemple Iron Man, maintenant. Iron Man, Captain Marvel, ils ont pas de sous-titres. C'est Civil War. Bah oui, Civil War, Winter Soldier. Oui, mais Iron Captain Man. America First Avenger. Oui, Captain America, c'est tout. Mais Iron Man n'en a pas. C'est vrai qu'Iron Man n'en a pas. Captain Marvel n'en a pas. Les Gardiens de la Galaxie, ils ont juste vol 1, vol 2. Ouais, mais c'est comme un sous-titre en soi. C'est... Oui, mais volume 1, volume 2, tu vois, tu sais, il y a quand même une sorte de démarche de. C'est pas, oui, parce qu'il y a la y a cassette, oui. Oui, donc il y a un truc quand même, tu vois. Mais oui, c'est pas un sous-titre comme genre Thor Ragnarok, ce genre de truc, quoi. Ragnarok. Ou alors. Mais moi, j'aimerais bien qu'on mette un sous-titre pour... parce que de toute manière, le film de super-héros s'appelle par le nom du super-héros, quoi qu'il arrive. Oui, mais du coup, ce serait quoi son nom de super-héros Leur fonction, donc par exemple, sorte docteur, mister, captain. Actor. Actor Stan. Mr. Stan. A-C-T-H-O-R. Ah non, mais Mr. Stan. Un jeu de mots avec Actor Studio ou avec. Stanctor, non. Spectactor. Studio Man. Non. Spectator. Yeah. Spectator Ragnarok. Non, mais tu vois, un truc, il y a souvent un peu cette fonction et ce qu'il est. L'étudiant. Ou alors, on pourrait trouver en fonction de sa capacité, caméo. Donc le fait qu'il soit un peu comme Kirby, donc qu'il soit capable d'. Tu sais, c'est genre un peu le pipo, enfin, genre un truc avec pipo, genre le fait qu'il puisse copier les gens, genre le copy machine ou un truc. Man. Non, mais et puis surtout. Non, mais genre qu'il soit capable. Man. L'homme de plusieurs hommes. Non, mais voilà, faudrait trouver un truc un peu comme. Genre, tu sais, de Russian Doll, tu vois, genre en mode, c'est une poupée russe, il est capable d'avoir plusieurs personnes. De prendre... Et puis surtout que c'est le nom du super-héros, il le choisit pas toujours et c'est souvent les médias. Il y a toujours un truc avec les médias et c'est les médias qui le bâtissent. Ouais. Donc c'est genre en vrai le caméléon ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas con en vrai, le caméléon, c'est pas déjà un... Ah ouais. C'est déjà un animal qui existe. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un super-héros qui est basé dessus. Ouais, je suis sûre qu'il y a un super-héros qui est basé dessus, mais ah ouais, je sais pas. Rango. Mais qu'est-ce qui aspire des choses, me dites pas un aspirateur s'il vous plaît, mais qu'est-ce qui aspire des choses et qui est capable de les reprendre, genre une éponge, un détraqueur. Ah, un détraqueur carrément. Oui, d'accord. Non, mais vous avez capté l'idée, genre le Pauline Actor. Pourtant, elle est pas mal. Elle est vraiment bien, celle-là. T'as dit quoi? Le Pauline Actor. C'est pas mal, ça. Ouais, mais c'est une référence à Harry Potter. Bah, mais oui, mais si ça s'inscrit, Harry Potter, c'est huge. On peut pas. On le met à l'intérieur de notre univers. Ça dans peut être Wings, drôle. Il y est. Le Wings de Netflix. Mais ah ouais. Ils font des rêves. Il y a toute une scène. T'es quoi? T'es Sardex? T'es Poufsouffle? C'est vrai. La scène que tu zappes, tu sais. Oh, ouais, ouais, c'est vrai. Super. J'ai écrit un truc. Et bah là, du coup, la pote, elle ferait malaise. Le voleur de vie, genre en mode. Comme le voleur de foudre avec Percy. C'est Fantomas. Le voleur de vie. La faucheuse. C'est qu'en plus, quand tu t'approches du micro. Fantomas affronte le voleur de vie. C'est Casper, quoi. Le petit fantôme. Il veut que s'amuser avec ses petits amis. Ouais. Tu sais, souvent aussi, il y a des couleurs, genre Black Widow. Ah, ouais, mais parce que c'est veuve noire aussi. C'est le principe. Parce oui. Que c'est un animal. Mais non. Mais non. La veuve noire, c'est une... Bah si, c'est une araignée. Oui. Ah bon. Oui. Bah oui. Mais elle a pas une gueule d'araignée. C'est parce qu'elle... Mais je savais pas. Enfin, ça j'aime pose, pas les... là, je suis arachnophobe, d'accord. Ça pose, c'est un peu comme une araignée, genre. Mais ouais, non. J'avoue. Elle finit toujours à terre. Bah, bon, c'est pour le côté. Oui. Sexualisation, male gaze. Voilà. C'est vrai, les araignées, moi, ça me gros kink. Ça me tornonne, les araignées. Kink araignée, hein. Bon. Putain, 8 pattes là. Mais. Ça fait beaucoup. Trop de pattes. Mais. Putain, on va jamais y arriver. Copyman. Photocopie. Juste, on l'appelle comme ça. Imprimante. Québécois dans le texte. Scanner. Le scanner. Moi, je veux juste qu'on l'appelle l'imprimante. Mais pas une affiche. Pas l'imprimante. imprimante. Le nom, c'est l'objet, finalement. Ouais. Parce qu'il faut se dire que l'épisode 4, du coup, dans, là, le podcast, son nom-titre, ce sera imprimante. Les gens vont cliquer épisode 4, ouais, c'est pas très imprimante, les films de super-héros. C'est vraiment pas très bandant, pour le coup. Ouais, non, mais, non pour... mais ça marche. Mais si, par contre, le truc de... Enfin, genre, un peu voleur d'âme, etc., genre, ça pourrait être cool. Volvic. Pourquoi Volvic. Par contre, il nous manque un truc, je crois, dans le film. Un titre. Non, là. Et plus, il y a toujours des termes un peu techniques. Enfin, tu sais, genre des genre. Des scènes un peu de mansplaining. Oui, toujours. Mais des plans larges. Non, des travelling. Non, des termes genre vraiment de type vocabulaire spécifique à l'histoire, genre tout un lexique qui n'appartient qu'à ce film-là. Tu vois, genre l'empreinte, genre. Ouais. Non, mais voilà, par exemple, le nom du gène, il faudrait qu'il y ait un nom à ce gène-là, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Parce que tu sais, genre par exemple, tu vas avoir le Tesseract, c'est ce genre de truc. Ouais. Dans l'univers Marvel, t'as vraiment, tu sais, des termes qui n'existent que dans Marvel et dans DC aussi. La Batmobile, la de cave. Ouais, ils ont choisi un mot, ils ont dit de le mettre. Je trouve vraiment le grand tronc. Faire les bas de course. C'est grave. Générateur, c'est pas mal. Oh. On dit le gène de Thor, par contre. Non, mais ouais, non, c'est pas con. C'est pas con. Moi, j'aime bien. Le gène malaise. Et au moins, tu comprendras assez rapidement pourquoi le film s'appelle comme ça. Quoi. Ouais. Parce que si le titre est pas parlant, je suis pas sûr qu'on fasse des entrées, tu vois. Moi, le gênateur, c'est le sous-titre. Non, c'est le nom du gène. D'accord. Super gène. Et du coup, on pourrait l'utiliser en sous-titre, mais ça ferait beaucoup à tort quand même. Ouais. Voleur. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait garder l'idée du voleur. L'emprunteur, parce que... sinon. L'emprunteur, c'est trop moche. L'emprunteur. L'emprunteur, l'imprimante. Retrouvez dans vos salles en technicolor l'emprunteur d'âme. Emprunt. Le nouveau film. Le voleur d'imprimante. Il terrifie les écoles et les bureaux. En son Dolby Surround. En fait, le truc, c'est que. Il peut voler ses capacités, mais par contre, il garde son esprit, donc c'est pas techniquement alors, pas une âme, c'est plus c'est plus une question d'apparence et de force physique ou de capacité. Enfin, le seul multiple, il n'en restera qu'un. Genre, c'est comme dans les Sims. C'est comme dans les Sims où tu vois, genre les Sims, ils ont des capacités genre physique, cuisine, mécanique. Ouais, c'est ça. Mais en gros, il est capable de prendre ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et le physique. Plus l'apparence physique, ouais. Mais par contre, il conserve lui son esprit. Ouais. Oui, donc son âme. En fait, c'est comme si. C'est... Ou s'il apprenait, c'est comme dans Matrix quand il. C'est ça. C'est comme dans Matrix où il fait Aino Kung Fu. Le métamorphe. Parce que dans un autre sens, c'est que. Shapeshifter. C'est comme si tu te retrouvais à voir double, en fait. Il y a deux personnes qui se ressemblent totalement, un peu comme Mystique. Oui. Et du coup. Mister Tick. Du coup. C'est pas mal. Mister Tick. Mais du coup, non, mais on peut garder le voleur. Bah, pas d'âme, du coup, parce que c'est pas les âmes qui prend. Moi, je veux que dans le titre. Le voleur de capacité et de physique, mais attention, il garde quand même Le mystérieux. Moi, je veux qu'avant son nom de Sparrow, il y ait le mystérieux. Le mystérieux Polynactor. Non, ça fait trop, là. Bah, ça fait. C'est bien quand c'est épuré, genre. En plus, c'est vrai, c'est Fantomas, clairement. Bah, après, lui, c'est pas vraiment surnaturel. La naissance lui. De... Non, non, non. C'est fou qu'on galère autant pour trouver un titre alors qu'on a trouvé des high concepts en genre 1h20. C'est le plus quoi. Dur, le titre. Ouais. Ouais, parce que le truc, c'est qu'il y a un côté hyper marketing plus que... Enfin, le film de Wallace, mais le... On se prend trop la tête. Des fois, résumé, on a... Attends, si tu veux, je te ressors les titres le des Polynactor. Des trucs... Très dingue. Franchement, ça, c'était... Très dingue. Ouais, mais tu vois, c'était du tac au tac. Ouais. Là, je crois qu'on se prend trop la tête. On va pas être très productif. Le Polyacteur, sinon. T'enlèves le N. Non, mais t'as plus la ref. Et si t'enlèves le N, ça fait de l'amour. Hop là. Oui, ouais. Mais t'as plus la ref. Du coup, ça a plus trop d'intérêt. Oui, mais du coup, c'est un acteur. Le polycopier. En vrai, de vous. Mais le oui. Le papier carbone. Bah, c'est le principe du papier carbone, son pouvoir. C'est quoi déjà le papier calque? Non, mais en gros, le papier carbone, c'est tu écris, tu mets du papier normal et en dessous, tu mets le papier carbone pour les dessus tatouages. Et ensuite, tu mets un papier. Non, pour écrire. Et en fait, ça te fait que ça écrit sur ta feuille normale et sur ta feuille carbone en dessous, et ben ça écrit aussi. Ah oui, aussi. C'est vrai, oui, c'est pareil pour les... Pour les PV, les trucs comme ça, ouais. Je crois qu'ils font ça. Ouais, ouais. Pour les arrêts maladie aussi. Ouais. Bah du coup, c'est lié très à l'administratif, mais... Ouais, non mais... Non mais le papier... Non mais un truc avec le carbone, parce que carbone, ça fait un peu... Carbonactor. Carbonator. Carbonator, il adore les pâtes carbonara. Ouais, bon. Venez, on l'appelle, en vrai, venez, on l'appelle Carbonator. Mais ouais, de fou. Ah ouais. Ça part. Allez. En fait, son plat préféré, c'est les pâtes à carbonara. Putain, wow. j'allais faire la blague. Il est italien, non. J'allais faire la blague que vu que ça sort dans plein de pays différents, ça sera adapté et en Italie, il s'appellera carbonara. Mais... Là, du coup, tu l'as fait avant. Bolognaise. Désolé. Pâtes. C'est dans chaque pays, là, c'est la variété. Pizza. Ramen. Oh putain. Voilà. Au Japon, ce sera ramen. Un fine nouille, hop là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. On a fait le tour. De... Carbonator. Merci on a, ouais. pour celles et ceux qui arriveront jusque là. Merci beaucoup. Longtemps. Ah mais là ça fait 2h08 qu'on a d'enregistrement. Oh, ça, mais il y a eu. Ça va falloir faire des coupes. Non, la coupe elle est pas comptée dans les deux. Enfin. Oui, mais il y a des moments de toute façon. Où... Ah oui non mais t'inquiète pas. Des sacrées coupes hein, je pense. Hein. À chaque fois où tu parles tu peux couper je pense c'est pas très intéressant. Ça fait trop plaisir. Non je rigole. Bien sûr. Non, on pensait pas. Non, mais merci pour pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, malgré. Bon, vous avez eu une toute petite partie de notre hésitation sur le titre, mais sachez qu'on a cherché pendant littéralement 20 minutes. Ouais. Alors qu'on a déroulé hein, finalement pour le film. On n'a pas du tout galéré. Non, mais c'était. Moi, j'aime beaucoup le concept qu'on a eu. Et on pourrait le vendre à Marvel. Hein. Grave. Ouais, mais je suis pas sûr que la ref à Stanislavski, ça fasse plaisir à tout le monde, tu vois. Oh, ils aiment bien parler du cinéma, Marvel. Ils aiment bien parler de. Ils aiment bien faire des blagues méta. Donc, Non, mais beaucoup aux États-Unis vont kiffer. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense. Ça va se vendre. Mais le truc, c'est que je suis même pas sûre. Enfin, aux États-Unis, tu sais, ils préfèrent ceux qui ont. Enfin, ils vont plus faire des refs à Ilya Kazan, tu vois, qu'à Stanislavski pour l'Actor Studio, tu vois. Bon, bah, on leur voit pas à eux. Non, par contre, on en voit pas d'ici. Hein. Non, ça sera un non, c'est pour le coup, c'est beaucoup plus la vibe Marvel que ouais. Carrément. Ah oui. DC, oui c'est parce que grave. L'univers DC est quand même plus sculptural, sombre. Avec une voix comme ça. I'm Batman. La physique à la Robert Pattinson. Oh, oh, yes. Oui. Captain America, c'est quand même le meilleur cul de l'Amérique. Hein. It's America's ass, il faut yep. pas l'oublier. C'est pas le meilleur, c'est le cul. De c'est le seul. C'est celui qu'on aurait dû voir au César, en fait. Oh, pas mal, pas mal. Belle balle perdue, mais elle est totalement méritée. Voilà. Et bah, il y a Marie Saint-Fils qui a montré son cul. Marie Saint-Fils, stop, arrête de t'infiltrer. Donc, Philippe, pour résumer, Marvel, arrêtez avec le sérum. Philippe Lachaud, arrête ta carrière. Non. Ta vie publique. Non, mais Marie Saint-Fils, arrête de montrer ton cul. C'est bon. Et de t'infiltrer partout. Merci. Arrête de t'infiltrer. Sois juste Marie. Arrête. Be Mary. Ferme ton compte Instagram. Mary, à tout prix. Oh. Et ouais. À tout prix. Prochain album d'Astérix. voilà, celle-là, je vais la laisser. merci de. Mais du coup, je vais devoir laisser tout le truc qui amène jusqu'à ce que je dise ça. Parce oui. que sinon, je vais juste dire à tout prix. Nouvel album d'Astérix. Dans les bacs. Ex nihilo. merci à tous. Merci d'avoir été là. À toutes. Oui, c'est vrai, à toutes. À tous. À tout point. À toutes. Bisous, maman. Je sais qu'elle écoute. Et voilà, à bientôt. Je sais plus quoi dire. À bientôt. Bonne soirée et bon café. N'oubliez pas de vous abonner au Crible, le Crible Cinéma sur Instagram. Merci, on fait des superbes critiques. Je pense qu'ils nous suivent déjà. Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 4 mars. Ou en tout cas, vérifiez en tout cas que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous y suffit simplement. Sinon, c'est trop tard de toute façon, le moment où vous l'écoutez. Non, c'est. Ouais, non, ouais, ouais. Au moment où il l'écoute. J'espère que vous êtes inscrit en tout cas. Merci à tous et merci Lise, Angélique. Et Lauriane d'avoir été mes comparses. Merci à toi pour tes blagues. Et merci. Ça fait plaisir. Pour le café. mais de rien surtout. Et à bientôt, dans deux semaines. À dans deux semaines. Pas avec bisous. Vous. Si, avec moi. Normalement. Dans deux semaines. Non, après, je sais plus. Si. Vous verrez bien. Bisous. C'est une surprise. Au revoir. Au revoir. D'ici, c'est McPervel.